Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Retro Nouveau. Salut tout le monde et bienvenue à ce 10e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien, Dom? Ça va très bien, toi? Mais qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Hein? On a deux nouveaux épisodes. Ouais. Puis on a deux nouveaux amis. c'est des joueurs. Faut pas aussi. Que je commence en vulgarité tout de suite. Fait que c'est ça, dans le fond, vous avez si vous suivez nos aventures sur Facebook et Twitter, et vous avez vu que Rétro Nouveau, on veut agrandir le projet, on veut transformer Rétro Nouveau en une plateforme, tu sais. Hein. Et pour ça, on avait besoin de blogueurs pour booster notre section blog, parce que toi puis moi, on manque de temps cruellement. Puis on voulait deux nouveaux chroniqueurs avec nous autres, un rétro puis un nouveau, pour couvrir plus large aussi, des gars qui peuvent faire qui jouent à des affaires que nous autres, on joue pas nécessairement. Ben oui, parce que ça n'a pas de bon sens, là. On couvre rien que les patates. Ben toi, tu joues rien qu'au PlayStation. Oui. C'est bien connu. C'est bien connu, je joue rien qu'à ça. Rien j'ai une PS1 depuis le début, c'est fake, man. C'est rien que ça que tu fais, man. J'espère en avoir d'autres. C'est ça. Puis moi, je joue rien qu'au Nintendo, tu sais. Ça fait rien que ça. Fait que là, on avait besoin de gars pour ou filles ben oui. Pour combler. Puis on a demandé au monde des auditions. Exact. Et puis on a passé à travers tout le processus. Et puis on a sélectionné deux gars qu'on a passé en audition. Ben oui. Fait que ça, c'est dans les Lost Tapes. Peut-être qu'on sortira ça un jour. C'est vrai qu'ils vont rester perdus. C'est exact. Ah non, c'était bon. Fait qu'on a, dans le fond, en audition, on a fait une audition podcast d'une heure à peu exact. Près. Puis on leur a fait faire un dans le genre de oui. pour vidéo. Fait que tout ça nous a convaincus, puis c'était bien parfait. Alors, on vous les présente. Ben oui. Le problème qu'on a, c'est qu'ils s'appellent les deux Nicolas. Yes. Mais on a Nicolas Lachapelle puis Nicolas Chalifou. Fait que qu'est-ce qu'on va faire, Nick? Ben, moi, je disais l'autre fois, tu sais, Nicolas Lachapelle est un ami d'enfance que je connais depuis longtemps. Fait que je pourrais dire Nico. Pour Nicolas Lachapelle, si ça fait ton affaire, je sais pas. Ben, c'est-tu correct? Live ouais, on bon. The spot. Ouais, ben, sinon, bon, on va falloir vous appeler Lachapelle puis Chalifou. Ouais, ouais. Vas-y, Nico. J'ai jamais aimé ça. Ça me rappelle les mauvais souvenirs. Bon, ben voilà, Colin. Ben, on est habitué. Toilette de secondaire. Ouais. La chatte en arrière de l'école. Mais... Ouais, vas-y, Nico. Mais Nick Chalifou, on est habitué de l'appeler Nick parce que son surnom partout sur Facebook, Twitter, tout ça, c'est Nick. Fait que, mais en même temps, si lui, on l'appelle Nick, lui, on peut l'appeler Nicolas. On peut l'appeler Nicolas, c'est ça qu'on a dit. Moi, Nico, je sais pas, ça fait ça un peu... Ouais, c'est avec mais... Ouais, c'est ça, c'est un Nico. Super prêt, tu sais, je sais pas ça. Ben, on peut partager une belle proximité comme ça. Oui, c'est Nicolas, ça me dérange pas, allez-y. Vous pouvez sauver de précieuses secondes. J'avoue que ça va être utile. C'est vrai que ça saute du temps. Ben, c'est ça, mais trêve de bavardage. Nicolas, justement, Nicolas Lachapelle, présente-toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé ici? Ça fait longtemps que tu joues? Ouais, ben moi, ça fait pas mal longtemps que je joue, en fait. Là, ça, mon plus vieux souvenir de gaming, c'est avec mon père qui m'avait amené au dépanneur à l'époque de Terrebonne. Je viens d'arriver nord, donc, comme de mentionner. Puis, ben, je jouais à Galaga, monté sur une petite caisse de lait, en fait. Là. Fait que, ça, c'est mon premier flash à un jeu vidéo. Là. Fait que, depuis ce temps-là, tu sais, j'ai eu à peu près toutes les consoles classiques de l'époque, là, dont. Bon, moi, j'ai eu, il faut le dire, malheureusement, le clone d'Atari 2600, Coleco. Jimini. Jimini, en effet. J'ai un peu honte, il faut que je le dise, mais donc, ça a continué. Là. Nintendo, Super Nintendo, PlayStation, Dreamcast, Saturn, etc. Wow. Et maintenant, ça m'a amené aux consoles modernes, en fait. Moi, j'ai toujours été fan de jeux vidéo. J'aime beaucoup les jeux de combat. T'sais, Street Fighter, pour moi, c'est comme... Ouais, toi, t'es un grand champion de Street Fighter. Là. Je me débrouille Mortal correct. Mortal Kombat avec. J'aime bien aussi. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est... Vraiment, mon background, j'aime beaucoup les RPG, Japanese RPG. Des fois, les jeux tactiques vont aller m'attirer aussi. Je joue aussi des platformers, fait que c'est assez all-around. Je joue pas beaucoup de jeux de course, je dois l'avouer. Oui. Mais en gros, c'est pas mal mais ça. Mais t'étais à la course pas mal dans la vie tout le temps. C'est pas mal ça, ouais. C'est ça que j'ai pas besoin de simuler ça, en fait. Là, exactement ça, t'es une course de plus. Ouais. Là. Au niveau, j'ai toujours aimé les jeux. À un moment donné, j'ai fait un passage dans l'industrie des jeux vidéo. J'ai travaillé chez A2M, qui est devenu Behavior. Oui. J'ai travaillé sur des titres incroyables comme My Sims Racing. J'ai travaillé sur le CNET que vous avez sûrement pas joué, celui qui n'est pas vraiment vendu. J'ai travaillé sur Rango, le jeu vidéo. Qui était il était sur beau, PS3, lui, par exemple. C'était vraiment... Ouais, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un jeu, le film Rango. Il y avait un jeu vidéo attaché à ça. C'est la version ce Xbox. C'est un jeu... C'est comme un caméléon, là, qui... Caméléon qui est cowboy, dans le fond. Là. C'est comme ça qu'on peut expliquer. Ah, okay, c'est un comique, là. Ouais, c'est un super bon film, Rango. C'est un film en 3D. Ouais, okay. Ouais. Il y avait Johnny Depp qui faisait la voix de ça. Là, donc, ouais. Mais le jeu était quand même assez le fun. C'était comme un genre de Ratchet & Clank dans le western. Ouais. Okay. Ensuite, j'ai passé chez BioWare, en fait. J'ai travaillé sur Mass Effect 3. Je m'occupais, dans le fond, là, d'organiser toute l'équipe pour le multijoueur. Ouais, ouais. Tout le mode co-op. C'est-tu ta faute, ça, la mauvaise fin? Non, j'ai pas participé. En fait, moi, je l'ai trouvé bonne, mais moi, j'ai pas participé, en fait, au single player, véritablement. J'ai travaillé aussi sur les DLC. J'ai travaillé sur... ben là, il y a un titre qui s'en vient, là, le Dragon Age Inquisition. Donc, j'ai participé au niveau de toute la technologie réseau à l'arrière. Okay. Puis, j'ai travaillé sur le dernier projet là, que j'ai quitté l'entreprise... le nouveau Mass Effect là, qui va sortir à un moment donné. Oui. Donc, il n'y a pas de nom officiel. Là, fait que, ça a été nice. mon petit passage dans l'industrie du jeu. Un gros bagage quand excellent. Même. Ouais, c'est pas pire. Excellent. Ben, bienvenue, Nicolas. Ben, merci, les gars. Great. Fait que toi, tu vas couvrir le nouveau avec Bruno. Ouais, ouais, moi, j'ai vraiment un nouveau à fond. Là. Je me suis acheté une PS4 l'année passée. Puis, faut vraiment qu'elle serve. Il faut que je rentabilise mon investissement. Je me suis dit, c'est une bonne façon de le faire. Là. Mais tu connais bien ton rétro aussi, parce que quand on jase de rétro, whatever, t'as les souvenirs de chaque jeu, whatever. Ah, oui, oui, j'ai joué énormément là, à tous les jeux. Puis, même, j'ai passé. Possiblement que j'aurais des meilleures notes là, à l'université là, si j'avais pas passé des nuits à jouer à des jeux rétro, en fait. C'est ça. Spécialement. Ma main, là, que tous les jeux d'arcade, là, j'ai vraiment investi énormément de temps. Fait que, je pense que je vais pouvoir vous donner la répartie là, s'il faut. C'est fun. Moi, j'ai eu plusieurs. Nico, c'est un ami de longue date. T'sais. On se connaît depuis qu'on est petit. Ça n'a pas de sens. Là. Puis, c'est deuxième année pour être précis. Ouais, deuxième année pour du primaire. Précis, c'est vrai. Fait que c'est ça, c'est d'ailleurs à cause de lui que je suis aussi bon à Roller Games sur la NES. C'est vrai que t'es bon, hein? Au Funzo l'autre fois, là, vous l'avez amené pas mal loin le jeu. Ah, mais c'est chez eux, on jouait à ça sans arrêt, puis on a réussi ça à être bon. Mais c'est ça, ce qui est le fun, c'est qu'on a des lunchs où on jase de jeux vidéo, puis moi, c'est principalement là même, je me suis rendu compte que Christy, il serait bon à Rétro Nouveau, ce gars-là. Mm-hmm. Puis ce qui est le fun, c'est que Nicolas aime des jeux que moi, je suis pas nécessairement à fond dedans, puis il m'a fait découvrir tout ça. Fait que je pense que ça va être un bel apport à l'équipe pour qu'on ait vraiment tous les genres là, d'une shot dans le jeu. Absolument. Great. All right. Ben, bienvenue. Ben, merci, bienvenue. Les gars. Content d'être ici. Yes. Puis Nicolas Chalifou. Yep. Mieux connu sous le nom de Nick. Nick le Bouli. Ou NTR37. On va sur toi, côté. dans le fond, si je parle de mon background un peu, mais j'ai commencé. Copier-coller de Nick, là, carrément. Là, la bouteille de lait, la boîte de lait, moi, j'ai grandi là-dessus. Là. T'as grandi sur une caisse de lait devant une arcade. C'est ça mon seul jouet. si je vais. J'ai commencé à peu près à 2 ans et demi, c'est vraiment tôt. J'allais chez ma gardienne quand j'étais jeune, à Brossard, parce que moi j'étais un gars de la rive sud. Yeah. Ouais, c'est ça, la rivalité s'installe. Rétro nouveau. Rive sud, rive nord. Fait que c'est pas mal ça, j'ai grandi, j'ai été chanceux. Mario Bros 1, mon premier jeu, pas mal comme tout le monde, j'irais. Mario Bros 3, c'était ma référence longtemps. Ouais. Ouais. J'ai eu beaucoup de consoles dans ma vie, un peu comme Nico l'a mentionné. Faut que je m'habitue, moi, avec c'est de dire ça. Bon, on peut dire Nicolas aussi. Ouais, on va dire Nicolas. Non. Ça va être moins compliqué. Fait que j'ai passé pas mal toutes les consoles. J'irais une de ceux qui m'ont marqué particulièrement, vous le savez, là, à force de parler. Qu'on parle ensemble, Genesis. Ouais, c'est ma grosse console, moi, c'est ma préférée. J'étais un gros fan de jeux de sport, donc j'ai grandi là-dessus. Quand on avait le choix difficile à faire quand on était jeune, on y va-tu 64 ou on y va PlayStation 1? Moi, je me suis dit, les sports, PlayStation 1, les jeux de course, on va là-dessus. Ben, t'es un amateur de sport aussi, t'es un grand amateur de sport. Ouais, j'ai pratiqué longtemps les sports jusqu'à temps que j'ai les genoux qui me lâchent. Sinon, j'étais un gros fan de sport. Justement, on a un pool de hockey, mais on parlera pas de ça. Nick est introduit dans mon pool de hockey cette année. Exact. Ben, d'ailleurs, on plug la soirée du podcast, un excellent podcast de sport. Ça revient vendredi. Hockey. Ça revient vendredi avec un nouveau site web déjà en ligne. C'est fantastique. Eh oui, allez voir ça. La soirée du podcast.ca. Fait que, mais c'est pas mal ça. Sinon, j'ai toutes les consoles. consoles actuellement. J'ai pas mal toutes les consoles nouvelles. Malheureusement, en fait, non. Depuis la semaine passée, j'en ai plus une parce que pour rentrer dans Rétro Nouveau, on a eu notre... il va passer un rythme là, de passage. De passage, exactement. Initiation. J'ai été obligé de revendre ma Xbox One à cause de Bruno. Donc, ça j'avoue que ça me dérange encore pour vrai. Ah, pas eu le choix. Ouais, Bruno, ça me dérange. Que du Sony ici. C'est... Mais non, sinon, je joue beaucoup rétro, nouveau stock, mais surtout jeux de sport, jeux de course. Tu collectionnes. Aussi? Exact. Je suis un gros fan de jeux rétro aussi. Je collectionne, je dirais, à peu près depuis 10 ans là, pour le fun, par-là des jeux qui m'ont marqué. Ouais. Mais plus sérieusement, depuis environ 3 ans, 3 ans et demi. Parce qu'on peut te voir aussi sur le web dans une série sur YouTube de Terminarcade. Exactement, un gars qui a la gastro. Ouais, bon, qui on se fait pas mal de fun. Gastro-risé. Continuellement, il y a la gastro. Sans arrêt. Un flux continuel. Exactement. Mais non, on se fait bien du fun avec cette série-là, en gros. Dans les Power Chasers. C'est les Power Chasers, faut le dire, qui est quand même assez drôle. En fait, ça nous permet de découvrir plus que les jeux vidéo. C'est plus les niaiseries que tu trouves dans les marchés aux puces. Les vidanges qu'il y a dans les marchés aux puces. Ah, là, puis je parle du monde. Là, c'est pas fameux. Là. Mais moi, je les manque tout le temps, mais je vais réussir à y aller à un moment donné. Là. Ouais, fait que c'est pas mal ça. Sinon, pour finir, mais j'ai étudié marketing, j'ai fait des jeux vidéo. J'ai abordé le sujet là-dessus. Puis maintenant, je travaille pour une compagnie de jeux vidéo. Donc, ça va super bien. Je suis pas dans un studio nécessairement, mais je suis pour une grosse compagnie. Fait que je suis vraiment content. J'adore ça. C'est ma passion autant que vous autres, les gars. Fait que je pense qu'on va se faire du fun à jour. On t'a connu dans le fond parce que t'étais un fan de Rétro Nouveau. Exactement. Oui, je suis un des premiers. Mais je dirais que je suis dans le premier batch de fans. Ouais, moi, je pense que t'es vraiment ceux un qu'on connaissait, savait, ah ouais, Nick Chalifou. Puis t'as gardé tout le temps ton même avatar Twitter. Fait que ça aide. Ouais. Mais comme devant les Rocheuses, je sais pas trop. Moi, puis du changement, là, tu sais. On est rétro ou on l'est pas. Exact. Puis dans le fond, l'année passée, parce que ça fait bientôt un an que je fais des soirées rétro, t'es venu au Funzo. Exact, mais c'est même qu'on a mis une face sur l'avatar, finalement. Exact. Puis, t'es venu à chaque fois. Tu fais partie du core, dans le fond. Mais c'est ça qui est le fun de tes soirées. Quand tu as commencé, c'est là que j'ai connu Michael LaRouche. C'est là que j'ai connu Juicy. LaRouche. Exact. La Slot. Termine la Slot. Puis Poilman. Poilman. Toute cette gang-là. On se fait bien toutes les autres qui gravitent autour. Fait que, dans le fond, c'est ça. T'es apparu physiquement avec ce core-là. Exact. Puis, avec mes bonnes épaules, là, quand même. Là, on exact. Va dire. Là, ouais, ouais. Puis, c'est ça. T'es un gars volubile. Puis, tu sais, t'as de la personnalité. Puis tout ça. Fait qu'on a voulu t'essayer. Puis, ça a bien marché. Fait que bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Yes. C'est gentil. On se fait du fun, je pense. Hey, par rapport à ce que tu as dit tantôt, il y a un bundle qui s'en vient avec Sunset Overdrive pour la Xbox One. Ouais. Puis je suis pas mal certain, va le pogner. Ah ouais? Parce que. Mais t'as pas d'Xbox One? Non, j'ai pas d'Xbox One. Un bundle, tu veux t'acheter avec? Ouais, je veux m'acheter un bundle. Je pense qu'on va m'acheter un bundle, dans le fond, la Xbox One avec un jeu. Parce que, en fait, Sunset Overdrive, je pourrais pas y jouer sur une autre console. Puis ça, c'est assez hot, là, pour te faire acheter une console à toi et Georges. Ça, c'est direct mon genre, là. Je pense qu'il faut noter la date. Là, JF, il nous dit qu'il y a un problème avec la division. Bruno dit des niaiseries. C'est un problème avec la division. On va couper ça, là. Microsoft va rien nous couper, là. Mais ouais, je compte m'acheter ça, Colin. C'est fantastique. C'est une Insomniac Gang, quand même. Ah, ça a l'air bon. C'est des winners, ces gars-là. C'est tout le temps bon. Ils savent ce qu'ils font. Ah ouais, ils savent ce qu'ils font. Fait que j'ai hâte de voir ça. Puis si je l'achète pas, ben vous serez pas surpris. Ouais, fais-nous pas peur, toi, là. Fait que dans le fond, comment tu les critiques? Mais pourquoi moi? Certain. On est rendu là. On est rendu allons-y, là. Allons-y. Fait que Bruno, c'est toi qui commence. Hey, avant de commencer, là, Zardoz, man. Ah ouais. Zardoz, you, là. Bon, ça nous le prenait. Voyons. Attends, c'est quoi ça ici? Avant de commencer, je tiens à dire au monde d'aller voir Rétro Nouveau TV 6 qui est sorti aujourd'hui. Ce matin, mercredi. Ce matin, on joue à Vanquish dedans. Et aussi, je tiens à mentionner qu'on se fait torcher à Vanquish dedans. Mais parce que ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas joué. Mais on adore ça. Ça n'était pas bon. Mais allez écouter ça, c'est bien le fun. Puis dans le prochain, là, les gars sont pas là, mais dans le prochain, ils vont être là. Donc, ils sont là un peu, si vous avez un œil de lynx. Il y a des caméos. Ouais, il y avait un Easter egg. Fantastique. On peut dire ça. On sentait comme un gros lapin de Pâques. On était cute. Deux Easter eggs. Hey, moi, je vais vous parler d'un jeu qui est sorti sur PS4, mais sur PC aussi. Ça s'appelle City of Color, The Last Tinker, ou The Last Tinker, City of Color, je pense, finalement. C'est inversé. Connais-tu Dallas Green? Oui. City and Color. Oui. Qui est le vocal d'Alexis on Fire. Oui, exact. Ça me fait tellement penser à ça. Non, c'est ça. C'est pas les tunes tristes folkish de City and Color. Non, c'est pas vraiment, ça. Okay. C'est ni c'est Alexis chose, on Fire. Non. C'est autre chose. En fait, t'es comme un genre de singe là-dedans. Fait que ça n'a aucun rapport avec City and Color. Là-dedans, là, m'a retrouvé mes notes parce que je veux être sûr de pas me tromper parce que je veux savoir son ouais, puis quand nom. On parle de jeu de singe, j'ai pas le temps de se tromper. Exact, c'est deep. Il y en a qui pourraient me marquer là-dessus. Il y en a qui pourraient te l'envoyer. Chier par tous les orifices, comme on disait, on t'a rien chaud. Fait que là-dedans, t'incarnes Koru, qui est un petit singe, puis c'est un genre de platformer 3D avec des puzzles qu'il y a là-dedans. Ah, t'aimes ça, toi, ça? J'adore ça, c'est exactement mon genre. Exact. Puis là, t'es dans Color Town, c'est comme une espèce de ville grandiose qui est boostée de couleurs. Il y a vraiment des couleurs partout. Il y en a tellement que, en fait, t'as de la misère à voir parce que c'est trop d'informations. Là. Ça n'a aucun sens. Ils ont trop mis de couleurs au début. Puis je pense que c'était voulu, finalement. Là-dedans, ce qui arrive, c'est qu'il y a trop de couleurs au début. Puis tout le monde est content. Puis tout le monde est donc bien sympathique. Puis il y a plein de clans. Il y a un clan, genre le clan des rouges, le clan des verts, le clan des jaunes, le clan des bleus. Puis ils ont toutes leurs personnalités. Il y en a qui sont comme lover un peu. Il y en a qui sont épais. Il y en a qui sont tout le temps fâchés. C'est les badass, les rouges, tu sais. OK. Puis il y en a qui sont peureux. Fait que c'est le clan des Skulls, eux autres sont riches à mort. Exact. Fait que là, c'est ça. Au début, il y a comme. C'est, tout est trop joyeux. Puis à la limite, ça t'énerve. Fait que c'est le fun parce que ça, tout vient changer quand un moment donné, une force maléfique qui s'en vient comme de fait, qui s'en vient enlever toute la couleur de ça. Donc, oh! Teinte et maudite couleur. Fait que là, tout est blanc. Puis quand tout est pas blanc, je vois Dominique venir sans bon sens. Il y a des des j'ai même pas vu. Il a regardé des culottes. C'est ça, je me suis pensé. Parce que tu te promènes dans ton espèce de village plein de couleurs, mais il y a des grosses masses de glu blanche partout. Bon. Mm-hmm. Je rappelle que c'est un jeu pour enfants. Ouais. Puis, c'est ça, en fait, faut que tu élimines ça, ces masses de glu blanche-là qui enlèvent la couleur. Puis, ouais. Comment tu vas faire ça? C'est que tu vas te promener, tu vas résoudre des puzzles, tu vas frapper des ennemis. Puis c'est un peu, ça me rappelait un peu Jak and Daxter dans le genre de jeu, là. C'est vraiment, tu sais, c'est ça, c'est vraiment un platformer très, très, très simple. Ils ont même pris le platforming au plus simple niveau. Ils ont mis du platforming comme Assassin's Creed. Fait que dans le fond, tu pèses pour un piton, ton bonhomme, il court. Puis s'il y a une corniche ou quelque chose, ou s'il y a une corde, ben il se pitche dessus tout de suite, puis il fait tout d'une shot. Okay. Quand tu gardes ton piton collé, tu sais. Fait que ça, c'est intéressant parce que le jeu reste fluide puis c'est quand même assez facile pour un enfant. Comme ça, si t'essayes de... Un des gros problèmes dans le platformer 3D, c'est quand t'essayes de sauter sur une plateforme puis finalement, tu vois pas ton ombre ou ouais, t'as l'air. Tu restes poigné sur l'edge. Ouais. C'est ça. Fait que là, là-dedans, ben, il colle sur ces petites plateformes-là tout de suite puis c'est plus un problème. Fait que là-dedans, où est-ce qu'on peut avoir du fun? Ben, c'est tout simplement dans l'univers qui est créé dans le jeu. C'est vraiment un univers coloré puis super le fun. Puis le fait qu'on puisse... on s'en va dans tous les différents districts puis on va sauver ces districts-là un à la suite de l'autre. Puis l'histoire est quand même assez, assez poche. Ouais. Mais l'univers est intéressant, les personnages sont intéressants. Il y a comme une espèce de gros bonhomme à un moment donné qui te suit, c'est comme ton ami. C'est un gros dummy. Il me fait penser à Grosse Douceur de McDonald's. Ah, Grimace. Ah, il était cœur. Grimace. Fait que c'est ça. Fait que lui, dans le fond, tu peux le faire apparaître, puis là, tu siffles, puis là, il te suit. Comme, OK, il te suit en arrière, puis là, il se place sur des plateformes pour essayer de te faire avancer un petit peu plus loin. Donc, il y a vraiment des éléments de plateforme intéressants. Pas très innovateur, par contre, tout ça. C'est pas innovateur, pantoute. Ouais, c'est pas ça. Du tout, là. Il y a rien là-dedans que j'ai fait comme, c'est nouveau, non, c'est... C'est juste que c'est beau. C'est un jeu qui est indépendant. Si je me trompe pas, Mimimi Productions. Exactement. C'est ça, c'est au Danemark, je pense. C'est Mimimi Productions puis Loot Entertainment pour la PS4. Exact. Oh, voilà. C'est vrai, c'est Loot. C'est des Danois, ça? Ça, je sais pas, là. J'ai pas les infos là-dessus. J'aime ça, le Danemark. Je sais pas pourquoi j'aimerais ça y aller. Ça a l'air propre là-bas. C'est... Ah, mais ça a tout l'air est propre. Tight là-bas. Ça a l'air sec. Ah, ouais. Voulez-vous une soupe? Non, mais les rues sont propres au Danemark, je suis sûr. Tu sais, il y a des pistes cyclables et tout. En tout cas, mais, c'est un jeu à propos du Danemark, c'est ça que je comprends. Ça non, se passe au Danemark. Ça se passe pas au Danemark, ah, pas en tout. C'est tellement ça beau. Se passe dans une espèce de ville d'un air. Puis moi, ce que je trouvais intéressant de ce jeu-là, en fait, c'est qu'il y en a plus beaucoup des jeux dans ce genre-là. Le platformer 3D, c'est un. c'est comme un style qui est en train de disparaître. Quand on a un platformer 3D, c'est souvent un jeu d'action et d'aventure avec, avec du tir, tu sais, ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est super le fun, mais tu sais, c'est plate qu'il n'y ait plus ces jeux-là d'enfants, mais pour les adultes aussi, tu sais. Exact. Puis ça, c'en est un bon quand même, avec lequel tu peux passer le temps. Puis ce qui est le fun, c'est que tu peux aussi... Puis avec ce qu'il y a sur le PlayStation 4, il faut bien que tu passes le temps. Exact. Mais c'est ça, mais en plus, ce qui est le fun, c'est que les enfants peuvent y jouer, tu sais. Ouais. C'est quand même pas trop compliqué pour les enfants, mais les puzzles, je les ai trouvés intenses pour un enfant. Là. C'est okay. Pas évident, tu sais. Mais... pour un enfant, je dis ça, là, peut-être un enfant de 8-9 ans que ça fait un bout qu'il joue aux jeux vidéo, il y aura pas de problème. Un enfant pas trop imbécile, comme on aime le dire. Enfant teflon. Pas d'enfant teflon. Mais ma fille, admettons, par exemple, à 6 ans, elle jouait, elle était capable, elle était bonne, mais à un certain point, c'est sûr qu'elle fonçait dans un mur quand il y avait trop de puzzles puis que c'était trop, c'était trop complexe. T'sais, des fois, tu as du stealth même dans le jeu où il faut que tu passes dans un chemin précis. Fait que le gameplay change comme ça une fois de temps en temps dans le jeu pour t'aider à avoir du fun tout le long, tu sais. Okay. Fait que moi, c'est un jeu que je recommande pleinement, sérieusement. Moi, j'étais sûr que t'allais dire que je recommandais moyen. On dirait que tu me le vends pas. Non, je le sais, mais c'est parce qu'en fait, c'est que ce jeu-là, il offre rien de nouveau. Ouais. C'est juste c'est agréable. C'est ça, c'est agréable. En fait, ce jeu-là, là, c'est un poulet général Tao. Oui, c'est un poulet général Tao. Ou une salade César. Oui, exact. Combien ou je dirais... dans un food court. Un millefeuille vachon. Un millefeuille vachon, t'es jamais sûr. T'es comme, ah ouais, je devrais-tu? Là, tu le manges, comme, ah, c'est bon. Là, tu finis comme, ouais, c'était peut-être pas nécessaire. Mais c'était bon quand ça a duré. C'est ça, c'est ça. Mais non, mais ce jeu-là, il est bon. C'est pas un jeu grandiose, c'est pas un jeu qui va être des meilleurs jeux de l'année, mais si tu cherches un 3D platformer à jouer sur ta PS4, c'est le seul. Ouais. Fait que tu vas avoir du fun, puis tu vas surtout avoir du fun avec ton enfant, puis il sera pas effrayé d'aller se coucher le soir non plus. Là. Est-ce qu'il est cher? C'est comme un jeu full price? Ça coûte, il est 14$. Ah, okay. Pour combien de temps de jeu? Moi, je pense que c'est un jeu qui dure à peu près 6 heures. Je l'ai pas terminé encore. Puis c'est une très bonne valeur là, c'est pour 14$, ça a bien de l'allure. Dans le fond, t'as rien à pas envoyer ton enfant à l'école une journée, puis t'es capable de faire le jeu. Exact. Oh fuck that, on reste à la maison aujourd'hui, petit gars. Puis ah oui, ils respawnent tout le temps. Ouais. Tu peux tirer de la couleur sur tes ennemis, ce qui fait que bon, il y a un petit côté shooter à ça, il y a un petit côté qui ressemble à Infamous. Fait que tu vois que en fait, c'est ça qu'il y aurait de nouveau. Si j'aurais à dire, c'est quoi qui fait que ce platformer-là n'est pas comme les autres? C'est qu'il prend ses inspirations de plein de jeux, de plein de grosses licences qui fonctionnent présentement, puis il le fait. Fait que ça fonctionne. Puis c'est quand même, je veux dire, c'est bien, Colin. Bon, ben, Colin, de bine, on va l'acheter. Si vous n'avez pas d'enfant, l'achètes-tu pareil ou... Non, si vous avez t'as pas d'enfant, dur, non, c'est quand même, il y a quand même un défi. Moi, je dirais au monde, achetez-le. Si vous aimez vraiment les 3D platformers, vous aimez les jeux qui sont vraiment de couleur, pognez-le, sérieux, ça vaut la peine. Bon, that's excellent. Puis toi, mon Nick Chalifou, ça va être quoi ta première critique à Retro Nouveau? Mais écoute, moi, j'étais un peu, vu que je suis un fan, j'ai gagé pas mal là, les fans, dans le fond, la gang, là, qu'est-ce qu'ils veulent? Là, c'est les âges, j'étais un peu plus jeune. Ouais. Je me suis dit, hey, on va parler de 64. Ouais, c'est une grosse lacune. Non, mais tellement pas le 64. Bruno non plus, d'ailleurs. On va en parler souvent, mais toujours en mal. Toujours en mal, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'au lieu de vous parler en mal aujourd'hui, mais moi, je vais vous parler d'un jeu en mal. Ouais, c'est ça. Ça va être original. Il est pas bon, ton jeu de 64? Ah, non, mais il est... Je vais dire comme j'ai utilisé tantôt l'expression, je suis mi-figue, mi-raisin. J'aime assez ça, cette expression du jour. Hey, t'as-tu une commandite de Newton's? Non, même pas. Newton, c'est que c'est ça? Les biscuits aux figues. Biscuits aux figues! Oh, c'est fantastique, mon gars. Vous tenez des épiceries fines, vous autres, toi, les gars? Toi, PGS. Tout bon coureur connaît les biscuits aux figues. Ah, sacrément. Non, mais c'est pas une épicerie fine. Là. Tu peux pogner ça au IGA n'importe quand. Ouais. OK. Métro, tout. Et plein de glucides. Moi, j'achète juste des décadents. Des chips à yoy, là. Des biscuits au thé. Les molasses, là. Ceux-là, les mi-cuits, là, qui coûtent 10$, là. Les molasses. C'est bon. Mais excuse, ouais, c'est quoi? Non, c'est ça. Le magnifique. C'est quoi ton jeu? J'ai décidé de parler de Cruising World. Un jeu de char. Un autre, quasiment une nouveauté. J'avoue, on parle très rarement de jeu de char. C'est génial, ça. Fait que les douchebags, sortez vos t-shirts, c'est ça part. Fait que c'est ça, en gros, Cruising World, ça vient d'une arcade. Fait que c'est un jeu de Midway. C'est la suite là. De Cruising USA. Exactement. Ça fait partie d'une trilogie, Cruising USA, Cruising World, ce que je parle aujourd'hui, et Cruising Exotica, qui est un peu moins connu. Ça, c'est le troisième Exotica? Ouais, c'est le troisième. Pour ceux qui se rappellent la boîte, là, c'est comme une Dodge Viper avec des dents. Là. Ah, ben méchante. Oui. Fait que ça, c'est le 64 aussi, il l'a eu, ça, non? Mais, hein? Exotica? Oui, exact. Ouais. Exact. Okay. Fait que c'est pas mal ça. C'est un jeu de Midway, donc c'est classique. Là. On s'entend Midway, les arcades sont vraiment connues là-dessus. Ouais. C'est une grosse série, ça, les Cruising USA, quand même. Mais je sais pas si c'était si populaire que ça à l'arcade, par exemple. Attends, je le mélange peut-être avec Sega. C'est quoi le gros jeu de course? Mais il y a les rallyes, il y a les Daytona. Daytona. Cruising USA, dans le temps, c'était comme le Project 64. Là. C'était comme la super technologie Nintendo qui s'en venait. Fait que c'était comme c'est un des premiers jeux. On pensait que c'était le futur, mais finalement, ça a donné Nintendo 64 plus tard. On s'est aperçu que c'était pas la même graphique. On n'a pas le même futur. Fait que c'est pas mal ça. C'est un jeu de char, comme j'ai dit. On se casse pas la tête, on peut jouer à 4. Fait que c'est un des features intéressants du 64. On joue à 4. Puis honnêtement, si j'ai de quoi de positif à dire, là, le jeu est pas cher, on en profite. On joue à 4 ou à 2. Mais il faut jouer plusieurs parce que quand on joue tout seul, on se tente. Okay. Je pense que c'est vraiment ça le problème de c'est ce jeu. C'est trop facile, quoi. Ouais, exact. Mais il y a deux modes principaux, je devrais dire. Il y a Cruising, que c'est tout simplement le mode arcade typique. On a du temps, il faut finir le tableau le plus vite possible. Okay. Puis il faut arriver dans les trois premiers pour continuer au niveau suivant. C'est pas compliqué. Si, on se rend à la fin. À la fin, c'est difficile. On roule sa lune. On va la saluer. On roule sa lune pour vrai. Ouais, c'est fou, regarde, là. C'est donc bien cool. Ça. C'est cool. On dirait que ça casse un peu la réalité de ce qu'il y a au niveau créer. Physique. Là, je reviendrai là-dessus, mais au niveau physique, vous allez comprendre la lune. Tout le reste, c'est pas idéal. Fait que, sinon, l'autre mode qui est plus intéressant, c'est Championship. En gros, celui-là, on amasse des points. Okay. Ce qui est spécial de Cruising World, c'est qu'il y a des jumps. Des fois, il y a des différents. Il y a beaucoup de dénivellements sur différents tracks. Ce qui est fun, c'est qu'on peut faire des jumps. Il y a certains tableaux que ça nous permet de faire ça. Donc, on peut se mettre sur deux roues, par exemple, puis faire des tonneaux, si on veut, de côté. On peut faire des jumps par en avant, par en arrière. On peut swinger ça de tous les bords. Tu veux dire genre des front flips? Ah, bon, ouais, des front flips, des back flips. Fait que pour ça, c'est vraiment. C'est comme un jeu des TV, finalement. Ah, ouais, c'est vraiment weird comme jeu, mais. T'attendais pas à ça, c'est vrai. Tous les contrôles là-dessus, ça va bien, mais les jumps, on a vraiment de la misère. Là-dessus, il y a des grosses lacunes, mais c'est le fun parce qu'on accumule des points. Okay. Mais le gros problème. Mais comment t'es fait tes jumps? T'es fait ça avec ton C-stick? Oui, mais c'est avec le joystick principal. Okay. En fait, il y a une technique, c'est si on pense aux les fans de Mario Kart, le drifting. On utilise le B, c'est le frein, mais quand on pèse BA, puis on tourne, par exemple, on va partir en drift. Okay. On sort de la drift généralement pour faire les différentes combinaisons de jump. Okay. Fait que c'est là-dessus qu'on y va. Mais ça tombe à vite. C'est ça le problème, c'est qu'on commence à amasser des points, c'est le fun au début, mais il y a juste il y a comme des niveaux de difficulté, au niveau des tracks, il y en a 11 disponibles. Il y en a qui est easy, medium et hard. On a différentes tracks là-dessus, mais c'est parce qu'on les fait une fois, deux fois, mais si on veut accumuler beaucoup de points pour leveler up, faut les refaire des millions de fois. Okay. Fait que là, tu réalises un certain moment, je vais tout le temps faire les mêmes, c'est les autres les plus payantes. Mais tu level up comme un personnage de RPG ou t'achètes des nouvelles roues, t'achètes du nouveau gear avec de l'argent? Non, c'est du level up quand t'atteins un certain point. Par exemple, t'atteins 100 points, mais là, tu vas avoir une paint job. Fait que là, tu changes de couleur ou tu peux aller plus vite. C'est vraiment weird. Mais c'est parce que c'est trop long à m'amener. Je vais peinturer mon char à la place d'aller plus vite. Là. Je vais continuer de cruiser tranquille. Tout le monde sait qu'un char rouge, ça va plus vite. C'est vrai que ça va plus vite. Mais c'est pas mal ça. Fait que ça tombe à vite assez rapidement là-dessus. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont bien arrangé dans les jeux next-gen. Là. Maintenant, la peinture, elle coûte fuck all. Ouais, c'est vrai. Tu peux changer la couleur de ton char. À Top Gear, là, ça coûtait rien de changer la couleur de ton char. Là. Il y en a beaucoup des jeux. Moi, en tout cas, dans le temps, il y a beaucoup de jeux auxquels j'ai joué que fallait que tu payes ta peinture, fallait que tu payes tes décalques et tes affaires de même. Comme, mettons, les premiers Burnout, fallait que tu payes ta peinture, fallait que tu payes tes décalques. C'est chiant, le pic le plus frustrant, je jouais avec mon chum hier, on a commencé à jouer à ça. Quand je dis chum, c'est ami là, tout le monde, pas des idées. on est pas gay. Non, les petits gars à la maison là, tu sais. Fait que je dirais on commençait à jouer. Puis chacun a le contrôle. Quand par exemple, on vient de finir une course, on accumule nos points pour peser sur A les deux pour aller plus vite. Oui. Mais lui, c'était son tour à choisir sa couleur. Moi, j'ai pesé ça sans m'en rendre compte. J'y ai chopé ça, il peut plus jamais revenir. Fait que des efforts qui valent pas la peine, là. Quand tu veux changer tout le monde. Tu as pesé sur A, c'est la sortie du menu, puis il n'y a pas eu le temps. Non, mais on a continué, exact. Okay. Tu veux avoir ton two-tone, là, puis tu l'as pas. Fait que là, il est en crime. Fait que c'est pas mal ça. Mais sinon, point positif, point négatif, je vais commencer positif. Les graphismes sont pas mal beaux. Honnêtement, les décors, ça fait penser à un PlayStation 1. Tu sais, dans ce style-là, dans ce temps-là, t'avais la piste qui était vraiment comme 3D, mais t'avais les environnements, par exemple, des plantes, tout ça. C'est vraiment comme une genre de pancarte, rien de plus. C'est vraiment 2D, mais ils vont sur différents plans pour créer la profondeur. Mais c'était-tu un jeu qui était en fin de vie de la console? Non, non, non, il sortait en 98. Ok, il sortait au début. Je dirais que. Mais quasiment mi-début, là. Non, pas le launch quand même. Mais je pense que ça. Ben, j'ai joué à un Cruisin' sur 64, mais il me semble que c'est pas lui. Mais ça, mais vu qu'il y en a trois. C'est-tu le premier sur la 64, ça? Ça, c'est le deuxième. C'est le ok, ben je joue USA World. J'ai joué à USA. C'est ça, USA, un petit peu moins hot. Ouais, c'est ça. Ça venait de ça avec la console, ça. Je pense que c'était un des launch. C'était possiblement un des launch titles. Tout le monde avait ça, puis Turok. Ouais, mais c'est ça. C'était comme Turok, puis ça. Ça, puis le jeu Wayne Gretzky. Oui. Ah ouais, il était launch Wayne Gretzky. Il était dans les premiers. Ah ouais. Ouais, ouais. Avec Wave Race. Wave Race, j'ai joué beaucoup. Star Wars Shadows of the Empire aussi. Ben ouais, la bataille de Hoth. Ouais, le seul niveau. C'est le bon niveau. C'est le bon, sinon, la musique, elle est fun. C'est de l'euro-pop, là. Ça te met dedans, tu sais. C'est peut-être pas le style de tout le monde, mais tu commences à faire ça, à te faire aller un peu à la tête des fois. Fait que là-dessus, c'est le fun. Sinon, les contrôles sont têtes. Pour vrai, quand on fait le drifting, on a vraiment le contrôle du char, ça va bien. Okay. Le fameux joystick de 64, c'est pas tout le monde qui l'aime, hein, Bruno? Quoi, je l'aime. Mais il est efficace, ça va bien. Okay. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, variété des niveaux, c'est intéressant. Les dénivellements, vraiment à chaque fois, tu sens que t'es dans un pays différent. Ouais, ouais, ça, là, c'est cool. Le nivellement et dénivellement des pistes, là, ça, c'est un bel. Ça me fait penser à Top Gear encore. Où est-ce que ça monte, ça va vite. Top Gear, ça va tellement vite, ça fait la route, mon gars. Ouais, c'était ça. Je vais en parler bientôt, d'ailleurs. Faudrait que tu en parles. Faudrait faire un dossier Top Gear. On va faire un dossier Top Gear quand je vais réussir à jouer au deuxième un petit peu plus. D'ailleurs, c'est ça que j'ai pas. Ben oui. Parce qu'à la dernière soirée, là, Papa Cassette, là, j'ai vu quelque chose de fascinant. Michael LaRouche devant l'écran avec Top Gear, puis il regardait l'écran, mais il jouait pas. Puis il examinait Top Gear, il examinait tout de Top Gear. Il notait des affaires. Man! D'après moi, il connaît ça au bout. Il connaît ça, des secrets. Il connecte avec Top Gear. Il connaît ça. Michael, il est calé. Là, il mais allez voir son spécial conservatoire rétro de Top Gear. C'était quelque chose. Bonne musique. Bonne le musique. Gars connaît son affaire. Ouais, exact. Sinon, si on passe sur les points négatifs, la physique des chars, ça n'a pas de sens. Ça lune, est-ce que ça... Ben là, ça lune, mais c'est sur la Terre. Le reste, c'est ça le problème, c'est que les computers, finalement, les autres chars, là, nos opponents, là, sont vraiment chiens sales avec nous autres. Ils nous rentrent tout le temps dedans. C'est des méchants. c'est des bâtards. Puis ils nous foncent dedans, mais au lieu de juste comme déraper, s'en aller de côté, on revole dans les airs, on fait des flips. Puis des fois, on fait des flips, on retombe sur la piste comme si de rien n'était. Puis d'autres fois, on perd à peu près 5 secondes, puis c'est sûr qu'on est foutu. Fait que là-dessus, c'est vraiment frustrant. Ce jeu-là, là, quand on commence à jouer dans les courses tough, là, on a goût de sacré. Ouais. Fait que sinon, c'est ce bug de collision. Des fois, on passe à travers, il y a des jumps. Okay. On va jumper. Des fois, il fait un flip, mais il fait pas un flip complet. Des fois, t'es en plein, la tête à l'envers, puis tu recommences à rouler. Okay. D'autres fois, tu vas passer dans le décor, puis c'est vraiment c'est épouvantable là-dessus. Là. Il t'a-tu coûté cher, ce jeu? Ouais, ça vaut combien, ça? 5$. À peu près 5$. Ok, bon, sur, on comprend. Ouais, il m'a coûté 5$. J'ai checké notre application. Ouais. C'est environ 8$. Je dirais à peu près une vingtaine, plus ou moins, complet. Ouais, c'est ça. Comme vous pouvez le voir, il est assez propre, quand même. Ouais, il est pas mal clean, celui-là. J'ai mon manuel, j'ai tout. Attends, j'ai pas payé ça 35$ pour ceux qui voient l'étiquette dessus. Je me demandais, il est en train de mentir. C'est dans la catégorie sport en plus, donc c'est un sport. Ouais. Une chance qu'ils le disent. Il est vraiment clean par exemple. C'est joli, c'est le fun à avoir dans sa collection. Là. Puis sinon, je dirais, dernier commentaire négatif, il n'y a pas de différence entre les chars. Avoir un truck qu'un autre. Ça, c'est chiant. Ça, c'est dole. T'as des différentes catégories. Quand tu regardes le véhicule, il y a des petites choses écrites, une petite description, puis t'as le kilométrage maximal que tu peux aller, la vitesse maximale, puis il n'y a aucune différence, peu importe si t'en prends un faible ou pas. Okay. Fait que ça, c'est décevant. Puis tu peux débloquer des chars à mesure que tu fais des courses, là, par exemple des time trials, puis tu vas battre le record, puis tu vas pouvoir débloquer un auto, mais encore, il y a juste le char de fin que t'as pas le goût de jouer, rendu là, qu'il faut 9999 points, puis tu le fais pas, tu te rends pas là. Fait que, sauf si t'es un gars. Game Shark. Fait que les Game Shark, là, sortez ça si vous voulez jouer à ce jeu-là, c'est le fun pour ça. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. Jeu pas cher. Si vous voulez jouer, jouez avec un chum. Jeu de party pour pas cher, dans le fond. Ouais, c'est ça. Jouez avec un chum pendant 2 heures, là, puis ayez d'autres jeux de backup parce que vous tannez vite. Jouez à GoldenEye à plat. Ouais, c'est ça. Dans le chat, il y a Carl Terminaslot qui fait dire Nintendo 60 plate. Hey. Oh! Carl, franchement, attention. Retourne à ton plat, vomir ta cassette. C'est ça. Il te manque ton rimshot là-dessus. Merci Carl. Merci excellent. Carl. Fait que Nick, tu dis que ça coupe sec. Classe. Ouais, fini. Nicolas. Ouais. Là, tu vas me parler d'un jeu que, pour vrai, là, je suis curieux. Ouais. Parce que c'est un blockbuster, man. C'est la grosse affaire de fou de malade. Tout le monde parle de ça. Et c'est sûr que je jouerai jamais à ça. Ben, ça, je suis curieux de savoir c'est quoi le hype. Ben, ça, c'est clair, là. C'est comme le gros jeu de l'automne, en fait. Là, ça fait super longtemps que tout le monde en parle, Destiny, tu sais. Juste comme ça, tu sais. Dans Halo 3 ODST, il y avait un petit Easter egg qui disait Destiny Awaits. Fait que dans le fond, là, Bungie, là, ça fait à peu près 4-5 ans qu'ils travaillent sur ce projet-là. C'est bon, gars. Fait que là, tu te dis tabarnouche. En plus, tu sais, on les connaît tous pour Halo. Là. Ouais. Mais ils ont aussi fait d'autres choses dans le passé. Halo! Ils ont... Halo! Ils ont fait aussi Myth et Marathon. Ils ont fait Oni aussi au PS1. Je sais pas si tu te rappelles de ce jeu-là. Fait que ça, c'était eux autres. Ça, en fait, c'était un jeu de GameCube. C'était cool, Oni. Qui était supposé être juste pour le GameCube avec une batch. Ben, il y a eu GameCube, PS2. Non, mais il était supposé être comme Beautiful PC. Joe. Puis Killer 7, puis un autre. Juste exclusif au GameCube pour booster la GameCube. Puis finalement, ils ont dit, ah, oh, fuck that, là, ça va en passer GameCube. Donc, en tout cas, mais finalement, mais excuse, continue. Non, c'est ça. Puis, fait que c'est un mot du bout qui travaillait là-dessus. Je pense qu'il était écœuré de travailler sur Halo. Mais dans le fond, ce que c'est, cette affaire-là, c'est vraiment la promesse de. T'as ton. Mettons, t'as World of Warcraft, puis t'as Halo dans un party, qui prennent une bouteille de bière, ils forniquent un peu, puis ils font un bébé. Fait que techniquement, Destiny, c'est ça. Fait que. C'est un bébé. C'est un MMORPG, slash RPG, slash first person shooter. OK. Fait que là, c'est la promesse qui a été vendue, ça fait des années qu'on vous en parle. Je veux juste te couper deux secondes. Est-ce que c'est comme Titanfall? Non, Titanfall, c'est vraiment un first-person shooter avec des robots. Non, mais je pensais que c'est comme la réponse de PlayStation. Non, en fait, parce qu'en plus de ça, il est disponible pour la Xbox One aussi. Multiplateforme. PS3, 360, PS3, PC. Xbox 360, ils ont tous fait... il n'est pas PC encore. Il n'est pas PC, non, hein? Non. Puis il n'est pas Wii U non plus. Je pense pas qu'il va l'être, la technologie. Non, 3DS non plus, malheureusement. 3D! Peut-être on peut espérer 2022, la 3DS. On peut regarder ça sur DS, au pire. Là. C'est le N-Gage. Fait que, c'est ça. Fait que quand tu rentres dans le jeu, tu vois tout de suite, là, c'est un jeu next-gen. Le look and feel est incroyable, super beau. Les menus là, sont vraiment très bien designés. L'ergonomie, incroyable. Là, tu commences à jouer, tu choisis ta classe, premièrement. Il y a comme 3 classes de base, en fait. Oui. Tu crées ton personnage, en fait. Donc, la première étape, c'est la race. Un peu décevant si tu t'attendais à faire un RPG, parce que les classes, c'est juste cosmétique. C'est une question de goût. C'est ça. Il n'y a aucune différence de tes statistiques, des habiletés. Ah oui? Ouais. Fait que là, dans le fond, tu as l'humain normal, tu as un autre humain, l'Awaken, qui est la peau blanche. C'est probablement destiné à des jeunes émo ou des gens qui trippent sur les vampires. Ouais, c'est ça. Ils ont une voix un petit peu modifiée par l'ordinateur. Puis finalement, tu as les exos qui sont des robots. Okay. Ils sont vraiment plus cool que les deux autres. Automatiquement, je me suis pitché sur les exos pour créer un bonhomme qui ressemble à Bumblebee, finalement, dans le nouveau Transformer. Mais c'est quand même le fun. Malheureusement, tu peux pas choisir la taille de ton personnage. Fait que, tu sais, déjà, la fantaisie a réduit. T'sais, tu peux pas customiser au maximum. C'est-à-dire personnaliser ton personnage. Fait que là, tu commences à jouer. Il y a une histoire qui est. C'est un peu louche. T'sais, c'est cliché en même temps. Ouais. T'as comme. Avant, c'est dans 700 ans dans le futur, l'univers, en fait, était dominé par les humains. Surtout tout le système planétaire. Était dominé par les humains. Puis là, il y a quelque chose qui arrive qui s'appelle The Darkness. Puis il y a une espèce de chaos total. Puis parmi tout ça, tu sais, t'as le Traveler, qui est comme une espèce d'entité qui ressemble à une grosse lune en haut d'une ville. Ah, dans c'est le fond. Ça, cette lune-là. C'est ça. Fait que cette affaire-là. Fait toute la promo avec c'est ça. Ça, c'est Traveler. C'est lui, finalement, il réussit à genre mourir en sauvant l'humanité restante. Fait que là, tout ce qui reste de tout cet empire galactique-là, c'est genre une ville sur la Terre qui est safe. Okay. Tout le reste envahi par des extraterrestres. Okay. Fait que grosso modo, c'est ça. Le but, c'est vraiment de sauver le Traveler en combattant les méchants du Darkness. Okay. Fait que là, tu commences à jouer, puis tu fais les premières missions. C'est vraiment des aspects un peu de grinding dans un sens. Tu as des niveaux, en fait. Comme tu as des classes que tu as choisies. Fait que c'est une des 3 classes que tu as été chercher. Soit un rogue, un peu comme si vous êtes habitué des MMO traditionnels. Tu peux avoir un genre de magicien, en fait. Puis tu vas avoir un gros tank, là, dans quelqu'un qui peut prendre plein de dommages et en donner. Tu vas leveler ce bonhomme-là. Fait que tu vas prendre des niveaux. Puis à un moment donné, tu vas débarrer une classe avancée. Tu vas avoir un choix à faire. Dans le fond, il y a comme un Y. Ouais, c'est quoi l'affaire du level 20? Ouais. J'ai lu ça souvent. Mais c'est niveau 15, en fait. Au niveau 15, tu débarres ta sous-classe, qui est comme la classe avancée. Okay. Fait que dans le fond, mettons, tu vas pouvoir choisir entre deux types de classes. Fait que si t'as pris le guerrier psioniste, genre, si t'as pris le personnage de type joué à Donjons et Dragons. Rogue, ben, tu vas aller vraiment vers soit tu vas faire des attaques avec une épée ou tu vas avoir un coup qui est super puissant, genre un one shot, comme un peu un Hunter au loin. Donc, tu sais, en fait, c'est. Fait que c'est assez intéressant. Ce qui est le fun, c'est que t'es pas pogné avec cette classe-là. Tu peux revenir à ton ancienne classe puis l'autre. Fait que c'est vraiment deux choses qui se ressemblent. Mais fait que ça se passe au niveau 15. Okay. Par contre, ta nouvelle classe, tu repars comme à zéro dans le fond. Tu l'as débarré. Puis, ouais. Fait que ça, c'est un élément intéressant, mais ça demande pas mal de grinding, on pourrait dire. Là. Fait que c'est vraiment. C'est pas tough grinder une nouvelle classe, non? Oui, tout à fait. En tout cas, c'était de même à Shining Force au Genesis. Ouais, mais ça, c'est un peu semblable, là, si tu veux. Là. Mais, tu sais, genre, tu repars à zéro. Tu repars à zéro, fait que faut que tu débarres toutes tes habiletés. Souvent, les gens font la comparaison avec Borderlands. C'est-tu ça ressemble un peu à Borderlands dans le sens que c'est un first-person shooter avec des éléments RPG. Je pense que Borderlands est un peu plus poussé là, au niveau RPG. Ouais. Tu sais, mettons, tu regardes Destiny. Dans Borderlands, t'as tout le temps du loot qui tombe. C'est ça, le loot. Incroyablement. Ouais. C'est pas le cas du tout au niveau de Destiny. Destiny, là, c'est rare les drops. Une fois de temps en temps, t'as quelque chose. Si t'as l'habitude à jouer à Borderlands ou genre Diablo ou encore Hearthstone... des jeux qui donnent une ribambelle de récompenses, ce jeu-là va pas t'en donner. Fait que ça te donne quasiment l'impression d'un free-to-play que tu payes. Parce qu'un free-to-play, c'est souvent comme ça. Faut que tu montes ton bonhomme, mais ça prend une éternité. Ça prend une éternité, mais tu n'as pas l'option d'acheter des choses avec ça. Que, tu fais juste grinder. D'ailleurs, ben, y a plusieurs façons de grinder. Tu as des missions principales en fait que tu vas faire qui sont reliées à l'histoire. Tu as des missions secondaires, comme des quêtes secondaires. Tu n'es pas obligé de les faire pour l'histoire, mais c'est bon pour l'XP. Puis tu as comme des donjons en fait que tu peux aller faire vraiment pour grinder, aller ramasser du stock, battre des boss. T'sais, ça, cet aspect-là est assez, assez intéressant, mais c'est répétitif. Mais bon, au niveau du gameplay, ça reste Bungie. C'est super tight. Les contrôles sont vraiment précis. T'sais. C'est comme un bon vieux Halo là, bien fait. Là, tu joues. Moi, le gunplay est excellent. Mais le gunplay est vraiment intéressant. Mais tu sais, tu grindes, mais dans le fond, tu as du plaisir à battre les ennemis. Les ennemis, il y a quatre races, on peut dire. T'sais. Ils sont relativement variés. Tu as des espèces de gros tanks, tu as des robots, tu as des trucs qui ressemblent un peu à des undead, si on veut. Fait que c'est varié, tu as une belle expérience. C'est vraiment un peu comme un MMO. Il y a des spawns, il y a des affaires qui... Tu vas pouvoir attendre une couple de minutes, là, les ennemis vont revenir. T'sais, tu peux faire ça si tu veux. Une des choses... Dans le bois. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, au niveau des objectifs, t'as une espèce de ghost qui te suit. C'est comme c'est une petite boule là, qui te parle. Là, ouais, c'est Peter Dinklage, en fait. Ouais. C'est le nain dans Game of Thrones. Oui, puis tu sais, moi, je me suis dit, oh, cool, le nain dans Game of Thrones. Tywin. Tywin, c'est Tyrion. Tyrion Lannister. Sa narration est horrible dans ce jeu-là. C'est comme s'il dit, bon, je le fais pour l'argent, fait que let's go, je vais lire quelque chose. I am guilty of being a dwarf. C'est sûr, ça sera pas ça. C'est pas ça du tout. Là. C'est vraiment, il lit une feuille, tu sais, puis c'est juste. Juste pour dire que t'entends pas la feuille tourner, là, tu sais. J'étais très déçu, là. Ça serait tellement... Il a oublié de l'enlever. En fait, c'est du cash. Il compte le cash qu'il fait avec Destiny avant de partir. Ouais. Ah. Fait que j'étais bien déçu de cet aspect-là, la narration. Mais dans le fond, je pense que ce jeu-là, j'ai réfléchi, tu sais. À partir du moment où t'attends pas à avoir une expérience RPG profonde, tu le prends comme un shooter intéressant que tu peux avoir des niveaux, tu sais. Au niveau des armes, c'est varié, tu sais. Tu peux avoir une progression... À partir de ce moment-là, là, tu commences à apprécier le jeu. Ça, je me disais, ah, l'histoire, c'est pas si important, puis l'élément d'RPG, je vais le mettre de côté. C'est un bon shooter, le fun, que tu peux avoir énormément de plaisir. Le multijoueur. Tu me le vends très bien, ben, sérieusement, parce que moi, je pense que c'est ça qui me faisait peur. Dans Destiny, je ne l'ai pas acheté. Parce que je me disais, moi, je suis un gars qui trippe sur single player, je trippe sur les campagnes. Aller dans un MMO en ligne, j'ai un peu peur de ça. OK, ben en fait, c'est ça. T'es en ligne tout le temps dans ce jeu-là. Donc, t'as du monde, des doutes qui rentrent dans ta game, t'es voix aller, tu sais. Ce qui est intéressant, c'est vraiment que ça affecte pas ton expérience single player. OK. Fait que dans le fond, tu peux jouer, faire tes affaires, tu vois juste des gars Lucius69 se promener dans ta carte. OK. Puis ça fait rien. Si tu veux, MTR37, tu peux jouer aller. Ben, j'ai une petite question. Est-ce que tu te vois jouer à ça dans 6 mois? Possiblement pour le multijoueur, en fait, que j'ai trouvé quand même assez intéressant. Là. Parce que la campagne, tout seul, on parle de combien de temps? C'est à peu près... Si tu grindes quand même un peu pour avoir un bonhomme peut-être popé. La campagne, une trentaine, quarantaine d'heures que tu peux mettre là-dessus. Là. Okay. Mais pas plus que ça. Mais le multijoueur est intéressant. Okay. Si tu veux faire des donjons, ça peut être le fun. Si tu es le genre de gars qui veut booster ton personnage au coton, tu peux aller chercher du loot. Il y a du loot rare, épique, etc. T'as-tu besoin de jouer? Les gens sont là aussi. Il y a quand même tu peux jouer, tu peux faire des trucs, des donjons en coop avec des amis. Ça vaut la peine de jouer à plusieurs avec des chums. Là. Tout à fait. Moi, en fait, finalement, je dirais c'est vraiment une belle expérience de jeu. Je le recommande. Comme j'ai dit, si vous attendez à avoir un RPG dans les mains, c'est pas ça du tout. Vous n'allez pas apprécier le jeu. Ouais. Par contre, si vous voulez quelque chose un petit peu plus poussé, mettons que Titanfall, nécessairement, bon, il n'y a pas les un peu de crémage dans ton shooter. Là. Ouais, c'est ça. Vous allez trouver votre compte. Nice. Vous allez l'acheter en même temps. Fait que 500 millions de piastres approuve. Il paraît que c'est moins que ça. Monsieur Kotick a dit que c'était moins que ça, là, mais ça reste des projets multi-millions, là, plus qu'une centaine, c'est certain. C'est sûr que ça a dû coûter cher parce que dans le wiki, ils disent que Paul McCartney a participé à la soundtrack du jeu. Ouais, puis en fait, c'est quand. Pas juste ça, mais c'est juste sa toune, c'est quand tu finis le jeu. Fait faut que tu aies de l'argent à ta barnouche pour dire bah, ta toune, on va juste en faire entendre un petit pourcentage. C'est Paul McCartney, mais tu le fous à la fin. Parce que personne l'entend. Exact. Une autre affaire, j'entends. Une dernière affaire, c'est que la musique était vraiment épique, puis souvent trop épique pour ce qui se passe vraiment à l'écran. C'est Angry Joe qui a dit ça sur YouTube. C'est drôle, ça. Puis c'est vrai, tu le vois genre tirer un gars, puis le gars il tombe à terre. Oh, oh, go, go, go. C'est vraiment super intense et il se passe à rien. Ça m'a pas marqué, mais la musique, elle est présente, ouais. Nice. Exactement comme quand Dom il s'abonne en train de checker Kijiji, puis là il y a des stress monte parce qu'il faut qu'il ait pogné l'item. Des jeux d'Atari en boîte. Hey, j'ai une pub à faire que je vais faire avant la pause. Moi. Oui, attends, Bruno, Jeff, t'avais-tu... Mais toi, t'avais des fun facts. Ouais, mais faites vos plugs avant, les faire. OK. Ouais. Bon, on peut les faire Bruno, pause, Bruno, il est une Vas-y. J'en ai pour chaque pause. C'est quoi la pub? Hey, écoute. Ta table, ça sent ça? T'es étonné de jouer au Boggle avec ta voisine de palier? Ben, va sur lepionnoir.com et découvre plus de 500 jeux en français que tu connais pas encore. Lepionnoir.com, en plus de ça, si tu fais RZO Web comme code, ben, tu vas sauver de l'argent. Malade, ça. That's it. Il est gentil, le Pion Noir. Je Pionnoir.com. Il est très gentil. Je pense qu'on a une cote audio du Pion Noir que j'ai oublié de prendre. C'est ça que Bruno l'a fait sur le spot de même. Exact. Fait qu'on coupera ça au montage, mais on mettra la vraie pub audio. Brisons pas la magie. Non, c'est au ça. Moins, les gens du live vont l'avoir eu. Et voilà. Exact. Tu sais jamais. Hey, deux petits fun facts sur les jeux vidéo concernant Mario Bros. Saviez-vous que le super champignon dans Mario Bros, celui-ci, c'est inspiré d'un vrai champignon rouge à taches blanches qui s'appelle le Amanita muscaria. Ouais. C'est un champignon magique, en gros guillemets, que les gens qui prennent ça ont le sentiment de grandir en hauteur. Ah ouais? Ah ouais? Wow, ce champignon-là est aussi référencé dans Alice au Pays des Merveilles. Sais-tu si on pousse par ici, là, tu sais? Je sais pas, faudrait s'informer plus en détail. Ouais, ben, je me trouve petit pas mal, moi. C'est ça, à tous les jours, ça m'en prendrait. Bruno sur les moches au travail. Un autre petit fun fact sur Super Mario Bros. Dans le guide officiel de Super Mario Bros. Dans l'histoire, lorsque les Koopas ont envahi le Mushroom Kingdom, ils ont transformé tous les habitants en blocs. Donc, quand Mario pète des blocs, il pète les habitants, il pète les habitants de Mushroom Kingdom. C'est donc bien atroce, ça! Puis tu gagnes 50 points par bloc que tu casses. Fait chaque personne vaut 50 points. Aïe, aïe. Fait que valent pas grand-chose. Fait quand vous avez sauvé la princesse, Mario détruit le royaume. Là, tu viens d'anéantir mes souvenirs d'enfance. C'est horrible. Désolé, là. Plus jamais je vais casser un bloc. Mass murder Mario. Pensez-y avant de casser des blocs dans Mario Bros. Aïe, aïe. All right, fait qu'on s'en va en pause. Ouais. Puis on revient dans quelques instants. On va pleurer tous les morts de Mario. On s'en va en musique avec Cybermorph au Atari Jaguar, la musique d'ouverture. Et voilà. Oh! On est de retour. Oui. Et puis c'est à mon tour de parler. Hey, mon micro est fermé. De Ouvre ton micro, Batince. Est-ce que t'as accroché le micro? Non, mm-hmm. Calme. C'est ton son qui est non. fermé. Non, ah oui, c'est beau. Volume. Ah. Ben ouais, c'est ah. ça. C'est la, excusez, c'est la console, là. La censure. On a une super belle nouvelle grosse je console. Je suis comme pris dans les fils et dans la console présentement. Ah, il y a du matos ici à soir. Ah, pas d'allure. C'est incroyable. Fait que c'est ça, je vais parler de ce qui pourrait être un des plus grands, un des plus underrated beat'em up au Super Nintendo. Oui, monsieur. Il s'agit de Batman Returns. C'est un jeu qui sort de Konami. C'est sorti, ça, dans le temps... C'est pas Acclaim qui avait fait ça? Non, c'est pour ça que c'est bon. c'est vraiment bien fait. Je l'avais loué dans le temps chez mes grands-parents, puis sans m'attendre à quoi que ce soit. Puis je me rappelais d'avoir aimé ça dans le temps, d'avoir trouvé ça difficile. Puis c'est un jeu que j'ai tout le temps voulu revoir. Puis là, je l'ai trouvé oui. là, dans un marché aux puces il y a pas longtemps. Ah oui. Drette de même sur le fly, je dis « Yes, finalement, pour moi! » Là, j'ai rejoué, et que fut pas mon plaisir de redécouvrir ce jeu... Ça avait pas changé, c'était comme dans mes souvenirs. Oui. Ce qu'il y a. Attendez. C'est la bière. J'ai vomi. Ce qu'il y a de le fun à Batman Returns, c'est premièrement, c'est beau. T'sais, c'est de Konami, pensez ouais. Turtles in Times, là, niveau qualité graphique, là, c'est vraiment hot. La musique, tout ça, c'est carrément puis pareil. Ça ressemble au film. C'est pareil non, comme les le film. Les tableaux, c'est vraiment la même palette de couleurs. Toute la kit, là. C'est arrive. Dark, mais c'est riche comme couleur. Ouais. Exact. C'est... Puis oui. Puis le background, c'est Gotham, tu sais, hors déco, là, Star ouais. Gris. L'hiver, là. Me semble. L'hiver, c'est pareil ouais. comme le film. Puis entre les niveaux aussi, il y a des cuts avec des images. Cinématiques. Ben, pas cinématique, là, mais une image en arrière okay. de l'autre, mais que ça a l'air du film. Fait que ça, c'est vraiment cool. Et puis, moi, ce que j'aime le plus de ce jeu-là, c'est la bataille, man. Ouais. C'est bon, là. C'est tellement le fun. Batman, il punch, bien sûr, puis tu peux grabber le monde juste en leur touchant. Fait que tu fonces dans le gars, là. T'as pas besoin de le puncher une fois ou deux pour qu'il soit sonné comme à Double Dragon. Ouais. Tu fonces dedans, tu le pognes tout de suite. That's puis là, it. Tu peux lui donner... Il y a pas grand move à ce niveau-là quand tu le tiens, mais c'est ça qui est le fun. Tu lui donnes deux headbutts. Puis tu peux finir avec un kick ou tu le prends, tu lèves dans les airs, puis tu le crisses à terre, tête première de toutes tes forces. Ou dans vitrine. Ou dans vitrine. Ça, tu le slams en arrière, direct dans vite ou dans le mur, là, tu sais. Wow. Tu le garoches à terre, tu le garoches dans le décor. C'est le fun, là. T'as pas idée. Ça fait un bruit, hein. Tu donnes un coup ouais. de tête, ça fait croc, croc. Là, tu le garoches dans vite, cling, ça explose, tu sais. T'as vraiment l'impression de crisser la volée au monde dans le jeu, là. Nice. Puis c'est ça qui est vraiment trippant. T'as deux sortes de jumps, un dragon kick, genre, puis un autre qui fait comme un. Il vole avec sa cape, là. Ouais. Fait que ça écrase. Comme Agar dans Final ouais. Fight. Fait que ça écrase. Mais lui, tout il fait monde. Lentement. Ouais. Ça me sort, puis comme. Ben, non, mais il plane pas. Ouais, il plane un petit peu. Il plane un peu. Ça, c'est cool. Fait que t'as pas beaucoup de moves, mais t'aimes ça les utiliser. T'sais. Puis quand tu slams le gars à terre, bien sûr, ben tu te revires de bord, puis tu le slams sur un autre qui arrive en arrière okay. de toi. T'sais. Fait que comme ça, tu te fais de la place. Tu peux aussi, quand t'en tiens un par le collet, tu sais. Excusez, la bière passe mal. Tu peux te promener avec dans l'écran, puis là, tu peux aller en pogner un autre. Fait que là, t'es là face à face, puis tu les headbutt les deux ah, ensemble. Nice. Bang, tu leur pètes la tête, là. Ah, c'est ça, wow. c'est vraiment le fun. Ça, je me rappelle de ce move-là dans Combat Ridge. Combat Ridge, yes! un des moves les plus satisfaisants du jeu ouais. vidéo. Fait que s'il y a ça, là, c'est ah, il y a ça gagnant. Là-dedans, c'est vraiment le fun. T'as des petits gadgets aussi que tu utilises, là. Ça te prend de la life, par exemple. Là, tu peux utiliser ton genre de bat gun. Ça fait un fil au plafond, puis ouais. tu kicks, mais ça te prend de la life. C'est un peu poche. Des batarangs aussi. Puis aussi, t'as un spécial move, bien sûr, imbloquable avec tes deux boutons qui perdent la life. Fait ça, c'est des niveaux normaux. T'as des niveaux aussi que... As-tu un niveau de char? Oui, à la fin, il y a un niveau de char. Batmobile, tu avances là, dans la ville, puis tu ouais. shootes là, des motos, puis à la fin, il y a un genre de truck qui ressemble à celui de Twisted Metal, le crème glacée, là, okay. qui te garoche des affaires. Fait que c'est correct, tu sais, c'est pas révolutionnaire du tout comme non, niveau. Non, c'est ça, surtout si t'attends à la fin, c'est comme... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a juste ça de gameplay différent. Okay. Et aussi, ce que je disais, dans le fond, le gameplay normal, t'as une profondeur de champ, tu sais, que tu te promènes dedans. Ouais, ouais. Puis l'autre, c'est juste comme de côté. Puis au lieu de te battre, tu tires des batarangs tout le temps. Okay. Puis tu utilises ton gun aussi tout le temps pour plateformer finalement, passer à travers au-dessus des trous, puis t'accrocher à des places. C'est pas de l'extrême platforming, mais ils t'en font faire un peu. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve ça correct, là, mais... C'est pas la meilleure part. Ça fait autre chose. Ben, tu sais, ça va, là. C'est comme, ouais. c'est comme du brocoli. c'est comme du brocoli, là. Ah, ben, on va me prendre un petit brocoli, là, avant de continuer de manger du homard, tu sais. ça fait du bien, là. ça rince. Ça change. ça rince, ça fait changement. Mais c'est ça, tirer des batarangs tout le temps, c'est comme un peu poche, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça un petit peu moins bon. Les boss sont vraiment le fun. Et puis, d'ailleurs, je veux juste le dire, à la fin du premier niveau, il y a le, c'est comme dans le film. Il y a un clown qui tient Michelle Pfeiffer, là, tu sais, avant qu'elle ouais. soit la femme chat. Puis, tu sais, dans le film, il pogne son gun, il tire, ouais. il tire à côté de la tête du clown. Là, le clown, le il est comme, tu m'as manqué. Là, il tire arrache ça à corde, puis il y a un bout de mur qui pète en arrière de la tête. Tu fais ça à la fin du premier niveau, man. Mais si tu le sais pas, le jeu t'oblige pas à le faire, mais quand tu l'essayes, puis tu découvres que tu peux faire ça pour la première fois de ta vie, tu es comme, comme dans le film. C'est vraiment. Fait que c'est ça, les boss dans le fond, c'est Catwoman, le pingouin, sous deux formes, un espèce de gros canard. Ouais, là, ils ont un canard jaune. Ouais. Il y a un niveau plus loin aussi où est-ce que quand t'avances, tu vois des pingouins, des petits pingouins au premier plan et en ouais. arrière-plan avec des fusées dans leur dos, ouais. dans le parc, là, comme dans le film. Puis là, pendant que tu te bats, ben eux autres, ils lancent leur fusée. T'sais. Fait que ça rajoute des affaires. Nice. Il y a un niveau que t'es sur un train qui avance tout le temps. Puis ça, je pense qu'il n'y a pas ça dans le film, par exemple. Un train, t'es pas sur un train? Je me rappelle pas. Genre d'un train de fête foraine. Je me souviens pas, il me semble que non. Non, c'est ça, ils l'ont ajouté. Puis des fois, t'as comme une barre, là, des barres qui passent, fait qu'il faut que tu jumpes par-dessus. C'est un niveau assez difficile. Fait que les clowns sont assez répétitifs, les ennemis. Il y en a des gros, des vraiment obèses, là, qui jumpent, des lanceurs de couteaux, des cracheurs de flammes. Ça, c'est pas pire. Mais si t'avais à faire une comparaison avec un autre beat'em up, là, ça ressemble à quoi? C'est dur à dire, sérieux, parce qu'il est rapide. Le gameplay, il est parfait, là. Ouais. C'est super rapide. Parce c'est drôle, parce que Dom parlait de Combat Tribes tantôt, ça me fait vraiment penser à Combat Tribes. J'ai jamais joué à Combat Tribes, mais les sprites sont très gros. Ouais. C'est ça qui est différent aussi au début. Tu sais, mettons Super Double Dragon, c'est beaucoup plus lent, il y a beaucoup plus de monde. Vrai. Là-dedans, t'es bien plus gros, ça va beaucoup plus vite, là. C'est très arcade, là, comme Turtles in Times, là. Même ton sprite est plus gros que ça encore. Fait que ça, c'est... mais j'arrive pas à le comparer à autre chose. Okay. Sérieux, ça, c'est vraiment trippant. Puis, c'est ça, c'est un jeu qui coûte pas cher. Non, combien, c'est ça, ben 10$. Oh, ah, bon, ce jeu-là coûte rien. Sérieux, je sais qu'il y a beaucoup de monde aussi qui le préfère au Genesis. Je sais pas, il a parce l'air que... pas mal différent, sérieux, au Genesis. Je l'ai pas joué. Genesis, c'est supposément, en tout cas, c'est, il me semble que c'est le même jeu, c'est juste le graphisme est différent puis la musique est différente. Mais... Non, c'est un jeu différent. T'es sûr? Ouais, j'ai regardé des images puis tout ça, puis c'est pas pareil. Pas ah encore. Oui? Mais semble que la gimmick, par exemple, c'est que, je me rappelle plus si c'est le jeu-là, en arrière de la boîte, c'est le même... C'est des mêmes capture frame phrase. Les mêmes images que le Super NES. C'est celui du le premier. C'est le premier Batman. Avec le Batman au Genesis. C'est pas Batman Returns. C'est vrai, excuse. Mais c'est ça, non, je pense pas que c'est le même jeu du tout. Et puis moi, j'allais passer à Easy, très facile. Il y a plusieurs niveaux de difficulté. Il y en a genre 5. Tu sais. Okay. Fait que là, j'ai essayé à dur au début. Là, j'ai pas réussi. Fait que là, j'ai essayé à très easy. Je l'ai passé facilement. Là, j'ai essayé à normal. Ah ouais? Ouais, que ça va. Ça semble être la même chose. C'est d'abord. C'est pas mal la même affaire. Fait que je l'ai passé à normal aussi, ça a très bien été. Mais tu peux te mettre un nombre de vies hein, aussi. C'est qui le cave qui se met rien que 2 vies alors que tu peux t'en mettre 7? Fait que ça aide pas mal. Fait que tu sais, si tu veux de la difficulté, tu peux t'en mettre en masse. Là. Tu peux mettre ça à very, very hard puis te mettre 2 vies si ça te tente. Là, ah oui. Donc tu peux faire ce que tu veux. Ah, tu vois, le camion, il est même plus. La scène de Batmobile a de la plus belle au Genesis. Mais c'est ça, dire que c'est meilleur. Moi aussi, je me suis fait dire que c'est... La portion char, peut-être. Mais je suis très curieux de voir. Je me suis fait dire qu'en général, au Genesis, il était meilleur. Ah, tu vois, ce niveau-là que tu me montres, là, il n'est pas pareil. Il l'a pas au Super NES. Okay, ça fait justement penser à Turtles in Times que... C'est quoi? Hyperstone Heist. Exact. Ouais, c'est genre le même jeu, mais pas les mêmes niveaux. Il y a des petits tableaux différents, mais je dirais peut-être que le Batman, celui-là, je sais pas, ça a l'air vraiment comparatif. Là. Ouais. Il est peut-être un petit peu différent, un petit peu plus différent que sur le Super Nintendo que Ninja Turtles, c'est la même affaire. Non, je trouve pas, moi. Ah, mais les tableaux sont différents, mais sinon, c'est la même chose. Ouais, le gameplay a changé un petit peu. Les bonhommes sont pareils. Ouais, non, style, c'est ça. Là, même chose. Ben, ça fait un nouveau jeu sur ta liste. Ben, il va falloir que je l'essaye. Ça doit être le pire, c'est que je l'ai déjà eu genre 2 fois. Je te le prêterai au pire. Ah, tu l'as? Ben, tu me le prêteras, certain. Fait que c'est ça. Puis moi, c'est un jeu que je recommande fortement à tout le monde. La minute que vous voyez ça, vous l'achetez, à moins que quelqu'un le vende 35$, ce qui est vraiment pas son prix. Mais si même quelqu'un abuse puis qu'il le vend genre 15, je dis que c'est un must, là, tu sais, parce que c'est vraiment, vraiment un bon beat'em up. Puis on stand pas. On stand pas parce que le gameplay il est bon, puis t'aimes ça retourner faire les niveaux puis sacrer des volets au monde. C'est ça le plaisir là-dedans, le bruit que ça fait quand tu leur craques la tête. Je te jure que c'est hot là. C'est vraiment un must. J'ai adoré mon expérience. Mais c'est positif ça, de savoir qu'un jeu basé sur un film est bon. Oui, parce ouais, que c'est rare. Les Batman, on s'en sort pas si pire quand même. Là, Aladdin, c'était génial. Le Roi Lion, c'était incroyable. Ben, ils sont pas mais les jeux de Disney, il y en a eu des très bons. Jurassic Park ou Genesis, très bon. Oui. T'es sûr? C'était vraiment bon. Jurassic Park, mais il est particulier. Peut-être que c'est dans mon souvenir que j'ai trouvé que c'était très bon aussi. Je pourrais créer un frère dire Prédateur au NES. C'est de la vraie merde. C'est un des pires jeux ever. Ou Frame Roger Rabbit au PC. Vous l'essayez dans vos temps libres. Dick Tracy au NES. C'est pas si pire. Ah, Dick Tracy, man. Dick Tracy, c'est de la merde. Ghostbusters, c'est pourri ça. Wow. Attends, au NES. Il était carré. Moins bon qu'au Sega, mais il faisait la job. C'est vrai. Ça y est, Rive-Sud, Rive-Nord, on se voit. Ça va prendre une portion de débat dans le podcast, je pense, bientôt. Ah, il va falloir. Fait que c'était qui, là, bâton? C'était à Nicolas. Ouais. Moi, je vais vous parler de Super Smash Bros, la version québécoise de Super Smash Bros. Mais ils disent-tu bro? Ouais, c'est bro. En anglais, je pense bro. Ils disent brothers. C'est ça, bros. Ils disent brothers au complet. Souvent, ils disent brothers. En tout cas, là, j'allais avec Super Smash Brothers. Parce qu'à NoFX, la toune de Mo Run Brothers, ben c'est écrit Bros. En tout cas, ils disent en toune de Mo Run Bros, ouais, Tattooed Fingers, Tattooed Toes. En tout cas, passé funk. Tu sais, NoFX, la Bible, même chose. C'est référence. C'est ça. Dans le fond, c'est le quatrième de la série. C'est la première fois qu'on a ça sur une console portable. Ça, c'est sur 3DS. Il y a une version Wii U qui s'en vient probablement avant Noël à quelque part, là, à l'automne, on me dit. Puis... donc c'est ça, ça c'est sorti, ça sort le 3 octobre en fait, j'ai eu la chance d'avoir une copie à l'avance. Ça c'est un, si vous connaissez pas Super Smash Bros, c'est un jeu de combat quand même assez particulier parce que c'est pas comme un Street Fighter ou un Mortal Kombat là, comme on a dit. Tu sais, techniquement il y a 4 personnes qui se battent en même temps dans un stage complètement fou avec des moves qui sont quand même sont faciles à apprendre. C'est pas difficile à maîtriser en termes de connaître les moves. T'as pas 1000 combinaisons difficiles à apprendre. Comme, y a pas c'est de simple. Shoryuken, exactement. T'as un bouton attaque spéciale, un bouton attaque régulière, un bouton pour jumper. Oui. Puis, tu sais, c'est vraiment simple comme ça quand on en parle. À jouer, par contre, il y a vraiment des subtilités là-dedans. T'sais. Donc, moi, j'ai pris ça. J'avais joué à toutes les autres versions, en fait. Puis, ça a commencé au 64. Ouais. Fait que j'ai joué pas beaucoup au 64 en fait, je possédais pas la console, mais bon, j'ai joué à GameCube, à la Wii, que j'avais quand même aimé, mais était un peu flouté, qui disait, celui-là, il est comme un super bon hybride entre, mettons, Brawl puis Melee, tu sais, l'éternel combat que vous allez avoir dans un party. Fait que celui-là, c'est vraiment le juste milieu, tu sais, il est vraiment bien fait, il est tight. Là, on s'entend, là. C'est sur une 3DS. T'sais, au début, moi, je suis arrivé, je disais, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas une console faite pour ça, tu sais. Non. Et finalement, moi, je pense que oui. J'ai été super impressionné. Il y a une affaire qui est difficile, c'est que j'ai joué sur la Game Boy originale, mes yeux saignaient à quelques reprises. Mais j'ai trouvé que les contrôles étaient vraiment le fun, tu sais, avec le D-pad à la note, ça allait super bien entrer mes contrôles, tu sais. J'ai vraiment été surpris. Honnêtement, je m'attendais à pas aimer du tout le feeling du jeu. J'ai adoré. Puis là, j'ai commencé à jouer, puis tu sais, au début, les 10 premières minutes, les contrôles sont weird. Tu sais, le bouton de jump est absolument pas à la même endroit, là, tu sais. C'est vraiment les boutons supérieurs, tu sais. C'est X puis Y pour sauter. Contrairement à tous les autres jeux, tu vas aller B avec A, tu sais. Mais ça, c'est Super Smash Brothers, tu sais. Donc là, après 10 minutes de souffrir, de sacrer, puis de dire tu pognes la twist, tu commences à jouer, puis là, ça devient vraiment plaisant. Comme on a mentionné, ben, étant donné qu'il y a comme 3-4 moves, puis que chaque bonhomme, peu importe lequel que tu prends, tu vas être capable de faire ces moves-là. Oui. Ben là, ça enlève beaucoup de frustration. Puis tous les personnages, il y en a une ribambelle. Il y a 38 personnages dans ce jeu-là. Il y en a 12 cachés. T'sais, j'en ai débloqué quelques-uns, mais là, bon, je me fie des sources Internet non fiables présentement. Là, mais on dit 12 cachés, tu sais, puis c'est comme tabarnouche. On me donne 50 personnages. Stock, ça n'a pas de sens. C'est comme incroyable. Le contenu de ce jeu-là, c'est encore une 20-30aine de niveaux. Oui. Ils sont tous très différents, tu sais. Fait que c'est super. Là. Moi, juste pour parler un petit peu des combattants, tu sais, il y a des nouveaux venus, tu sais. Puis moi, je pense que c'est absolument important. Tu sais, moi, je dis Mega Man, dis Batman, Little Mac. Puis là, tu dis, waouh, c'est super. Là, il y a Shook de Xenoblade Chronicles. T'es comme, oh oui, il fit super bien. Puis là, Nintendo, il nous joue des tours, tu sais. Là, il sac l'entraîneur Wii Fit là-dedans, ouais. Ah ouais. Le villageois d'Animal Crossing, tu sais. Là, t'es comme, ah ouais, ok, c'est ça. Puis c'est des personnages trolls qu'ils ont mis volontairement là-dedans. Puis, tu sais, l'entraîneur Wii Fit est assez satisfaisante à jouer, tu sais. Quand tu regardes ses moves, tu sais, c'est des moves de yoga. Tu bats le monde en faisant du yoga, tu sais. Le gars d'Animal Crossing, tu sais, il est tout cute. Puis là, tu sais, il est assez puissant quand même, il troll. Ouais. Tu sais, ce qui est important, c'est vraiment, là, chaque personnage a un feeling super différent, tu sais. Ouais. Au niveau de ma déception des personnages, Megaman, tu sais. Megaman, ouais, qui est un de mes personnages préférés, je l'ai pas aimé tant que ça parce que moi, je m'attendais à Megaman un petit peu comme dans Capcom. Ben, c'est mon number 9, ouais, mettons. Moi, ouais, ben, ouais, tu sais, Capcom, c'est ben, toute la série des Versus, là. Donc, c'était pas exactement ça, mais il est quand même le fun. Ouais. Par contre, le Final Smash, qui est comme le move ultime de tous les personnages, je pense que j'ai versé une larme quand j'ai vu celui de Megaman, parce que ce que c'est vraiment, c'est comme toutes les versions de Megaman de tous les jeux, fait que t'as X, Neo, même l'horrible au PlayStation 1, là, ouais, je me rappelle plus son nom, le Legion, je pense. Ils sont tous là, puis ils viennent faire un super méga move. T'sais, tu fais comme un espèce de trou noir, c'est absorbé, oui, là-dedans, ils smash le monde. C'est tellement beau, fait que chaque Smash, Final Smash des personnages, je respecte, je dirais, la direction artistique de la franchise. Ouais. Il y a des personnages de Fire Emblem, ben leur Final Smash, c'est exactement le critique dans Fire Emblem. T'sais. Tu regardes ça, c'est toujours la même chose. C'est-tu difficile de faire un Final Smash? Moi, pour être franc, là, je mâchais tous les boutons, puis ça fonctionnait. Fait que la commande, exactement. Et franchement, ça marchait à tous les coups, t'sais, mais c'était pas dur. Honnêtement, c'est quand t'as pogné la fameuse orbe magique, là, que tu peux pogner, là, tu peux faire ça. Tu sais, Little Mac, par exemple, ouais, si vous avez joué à la version Wii, à un moment donné, je sais pas si vous avez joué contre un autre, oui, joueur, tu deviens le Mega Mac. Oh, oui. C'est ça son Final Smash. Ah, fait que c'est super incroyable. Ce jeu-là vous fait sourire à tous les moments. Vous êtes un fan, oui, de Nintendo. Il y a Sonic que j'ai oublié là-dedans. Comment je peux l'oublier? Puis tu sais, il est là. Il y a Captain Falcon, t'as Zelda, oui, tous les classiques. T'as les deux versions de Link, la version cartoon. Là, tu regardes ça, tu es comme, tout est intéressant. Oui. Les items. Tu sais, il y a le Super Scope pour toi, Dom. Wow. Tu sais, il y a comme... Il y a un paquet d'affaires. les items, parce que c'est ça, moi, j'ai commencé Power Pad? Comment? Y a-tu le Power Pad? Le Power Pad n'est pas là, mais... Je sais pas, ça pourrait être un... Il y a le Super Scope, par exemple. Le Super Scope est là, puis tu sais, moi, j'ai commencé à jouer. Je peux pas donner toutes mes impressions, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est toutes les affaires qu'il y a à débarrer. Ça n'a aucun sens. J'ai l'impression que... Ça pourrait prendre facilement un an avant de tout débarrer. Ah, c'est clair, ce jeu-là, il y a du contenu infini. Puis là, tu dis, bon, OK. Tu sais, la question qu'on a se poser, c'est est-ce que je dois acheter la version 3DS parce que la Wii U s'en vient? Ouais, c'est ça. Moi, je dis, bon, c'est la question que tout le monde doit se poser. Moi, ma réponse, basée sur mon expérience personnelle, oui. Premièrement, c'est pas tout de suite que la sortie du Wii U s'en vient. Mais ça va arriver à quelque part. Nintendo nous a promis qu'il va avoir une communication entre les deux. Tu sais, il va voir débarrer des affaires. Derrière le boîtier aussi, ça dit que parce que tu peux te faire un personnage, ouais, dans Smash maintenant. Fait que ton personnage que t'as farmé et que t'as monté comme un malade, là, tu vas pouvoir le transférer sur la version Wii U, tu sais. Ouais, mais ça, c'est incroyable. Ça, c'est bon, d'ailleurs, tu me rappelles qu'on peut jouer avec notre Mi, OK? Oui. Ça, là, c'est vraiment, vraiment hot. Je veux dire, tu prends ton Mi, tu pètes le monde, puis tu peux customiser tes moves. Ouais, mais il y avait juste trois catégories de customisation. Non, mais en fait, t'as trois catégories de joueurs. Fait que tu peux être un gars qui a une épée, un gars de mêlée, ou un gars qui tire à distance. Ouais. Mais à partir de ça, t'as d'autres sous-moves. Fait que chacun de ces moves, tu vas les choisir. C'est vraiment, vraiment infini. Mais pas infini, mais en fait, mais t'as plein de possibilités qui sont possibles. Puis c'est débarrer dès le début les moves. Tout ce que tu peux débarrer des sous. J'ai un sous de... C'est ça, quand tu fais les différents modes, là, tu débarres des affaires comme, tu sais, débarrer une calotte de Mario, de Luigi, un affaire la même. C'est ça, puis tu sais, en plus, ils ont donné... Tu sais, il y a des choses que tu peux rajouter, des items à tes personnages. Il y a aussi, les couleurs sont quand même intéressantes. T'sais, on regarde, juste au niveau, je sais pas si vous avez joué à Xenoblade Chronicles, mais Shulk, à un moment donné, il y a un petit sous de costume de bain. C'est un de ses alternate costumes. Little Mac, il y a la version arcade qui est comme en espèce de... Translucide, en wireframe. Ouais, wireframe. Ouais. C'est écœurant. C'est tous les clins d'œil là-dedans. Tu peux prendre Kirby noir. T'sais. Bien sûr, c'était un jeune adolescent, rebelle. Il y a pas mal une version noire de tous les personnages pour toi. C'est vraiment... Non, mais moi, je suis pas un adolescent rebelle, mais j'aime ça quand même. C'est pour toi. En plus, il y a un paquet de mini-jeux. Tu sais, dans version DS, on t'amène un paquet de mini-jeux. Tu sais, il y a des petits jeux comme juste smasher un punching bag le plus loin que tu peux. Tu peux lancer des bombes, faire des points. Tu sais. Puis t'as même un mode spécifique là, qui est comme le Smash Run, je pense. Puis ça, c'est assez intéressant. Tu commences dans un tableau de platforming complètement fou. Fait que là, t'as des ennemis de Sonic, de Mega Man, de Mario, de Kirby, tout ensemble dans le même tableau. Ça, c'est vraiment beaucoup d'informations. Je trouve que t'arrives là-dedans pis t'es comme « Ah, mon enfance! » Exactement. Là, tu sais pas comment processer ça. Au début, tu sais, ta première game, t'es pourri, tu fais qu'à regarder, tu dis « Ah, c'est malade! » Et ça va super vite. Ouais. C'est comme... Mais là, ton but, c'est de smasher ces ennemis-là, ramasser des bonus, ouais, qui vont des bonus de stats pour ton prochain combat contre trois personnages, ouais, en fait, personnages. Ennemis dirigés par l'ordinateur. Vraiment le fun, tu sais, c'est vraiment un jeu, là, on the go, tu sais. Moi, je l'ai joué dans le métro, tu sais. Ouais. C'est quelque chose de vraiment plaisant, tu sais. Je veux dire, ce jeu-là, du contenu infini, comme tu as mentionné, ouais, un paquet d'affaires à débarrer. Tous les tableaux sont différents, les personnages sont différents. Tu sais, c'est vraiment un must, là. Puis en plus, tu mentionnais tantôt, tu sais, pourquoi acheter la version 3DS, la version Wii U. De la façon que je vois la version 3DS, j'ai vraiment l'impression qu'ils l'ont faite pour être on the go. J'ai l'impression que la version Wii U, ça sera pas exactement la même chose. Tu sais, comme le mode aventure, mettons, le mode, ouais, quête, puis tout ça, le mode carrière, mettons, ouais, ouais, va être là. Tandis que là, c'est engagé vraiment... Engagé par Adeco. Ouais. Carrière, là. Parce que le mode Smash, là, c'est vraiment, tu sais, tu te pars une... Tu te pars un combat, puis ça finit, puis tu repars un autre combat. T'es pas sur une montée. Il faut que t'ailles en mode classique ou, ouais, un autre mode pour pouvoir vraiment... avancer, ouais, d'un niveau automatiquement. T'sais. Ouais, je suis d'accord avec toi. T'sais, ça, c'est peut-être mon seul bémol, en fait. Les menus sont drôlement faits. Faut que vous c'est fouillez. Difficile de trouver quelque c'est chose. Ça. Faut que vous fouillez des menus. Une fois que vous avez fouillé, ouais, ça va super bien. Mais honnêtement, en tout cas, pour ma part, excellent jeu 3DS. Super titre à avoir dans votre collection. Ouais. Et des heures et des heures de plaisir, là, que ce soit dans votre lit le soir ou dans le métro. Ou encore sur le trône, en fait, là, je l'entends. Exact. Fait que dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est meilleur que PlayStation All-Stars. Là. Oh, ça, c'est pas dur. Dans, ce jeu-là n'existe pas. Okay? C'est vrai que ça existe pas. Ça existe tout simplement. All right. Phew, je pensais que ça existait. Nick. Ouais. Repars-nous ça en rétro. À mon tour. All right, on revient à la base, là, ce qui est le meilleur, finalement. Ouais, c'est ça, là. Laisse faire ça. Là. Moi, je parle de Power Blade. Power Blade, c'est un jeu de NES. Exact. Un jeu solide, écœurant, qui prend pas trop de temps parce qu'on peut le refaire souvent. Ça, un jeu de tough. Qu'on peut facilement rentrer dans le top 20 des meilleurs jeux NES overall. Ouais, mais il est pas mal dans les top, là. Ça dépend, c'est sûr que si tu veux varier dans ton top, peut-être que tu le mettras pas. Mais si tu vas au niveau de la qualité de jeu, il est pas mal solide, je dirais. Là, c'est un des bons. Toi aussi, okay. Bruno, t'aimes ça. Moi, j'ai capoté ce Power Blade, puis je te l'ai vendu. Je me l'ai vendu. Mais c'est vraiment... C'est un, puis c'est moi, je l'ai vendu. Tu l'as vendu Tu l'as vendu sur YouTube. Non, il y avait du marqueur dessus, j'aimais pas ça. Mais ceux qui veulent voir la pochette, là... Pas de marqueur, là, c'est ça. Tout clean, là, c'est ça. Avec un beau monsieur dessus, là. Un beau... En fait... Des belles lunettes. Je trouve que c'est pas mal un... Ça ressemble un petit peu à Arnold Schwarzenegger, surtout la page chat, là. Quand tu commences le jeu, ça ressemble à Arnold dans Terminator 1. C'est vrai. Mm-hmm. Mais imaginez ça, Arnold, mais avec des shades de Top Gun. avec un méchant bon pognet, le gars, faut se l'avouer. Vous allez comprendre plus tard ce que je veux dire. Ben par oui. Là. Avec des beaux petits pants serrés bleus, là. Ah ouais, ah ouais. On aime ça, les pants bleus. C'est clair. Fait qu'en gros. En plus. Ouais, exactement. Fait qu'en gros, dans le futur, je pense que c'est 2191 l'année. En gros, la Terre est contrôlée par tous des ordinateurs maintenant. Tu sais, c'est sur Internet et partout. Exact. Fait qu'ils contrôlent tout. Puis à un moment donné, ça commence à fucker le chien, là. Il se passe de quoi? Il y a des aliens qui arrivent, en tout cas ils prennent le contrôle là-dessus. Fait que là on est engagé, Nova c'est le nom du gars ça. On est engagé par le gouvernement pour aller éradiquer ça, puis exactement le Chevrolet là. Un Chevrolet Nova. Ouais, mon père en avait un dans le temps. Ah oh, c'est hot. Le SS ou Non plus récent, 1986, il était moins beau. Ouais. C'est la version Jeepette. Excuse-nous Bruno. Ouais, moi ça fait tout. On va parler de ça, je comprends. Fait que, mais c'est pas mal ça. On est Nova, faut aller détruire ça. Puis pour ce faire, en gros, il y a six secteurs. Ça fait penser les Stage Select de Mega Man. Oui. En fait, et de Shatterhand. Oui, exactement. Shatterhand et Power Blade, ça ressemble beaucoup. Ah, énormément. Ouais. Si on veut, c'est un genre de jeu platforming. Là. Pensez, si vous avez joué à Shatterhand ou ben non, Mega Man, le genre de tableau, des fois, faut aller en avant, par en arrière, faut monter, descendre. Là. C'est un peu le genre de tableau que tu as au niveau platforming. Là. Je trouve qu'à Power Blade, par exemple, on backtrack beaucoup. Oui, exactement. Comparé à Megaman qu'on fait juste avancer, mettons, là, puis à Shatterhand, ouais, là-dedans, faut retourner chercher des affaires. Mais c'est quoi la raison, en fait, de ça, justement, pourquoi qu'on revient plus souvent? C'est que dans le jeu, faut se rendre à une pièce de sécurité à la fin pour obtenir un tape. Parce que ces tapes-là, faut en avoir dans six stages. stage, il faut avoir faut aller chercher les tapes, puis c'est des contacts qui vont nous donner un code d'accès pour arriver à cette pièce-là où est-ce qu'il y a un boss, là, le classique de tous les jeux. Ouais, là. Mais c'est spécial, tu sais, pourquoi ils ont mis des gars, des agents là, qu'il faut aller les rejoindre, puis ils te donnent un code d'accès, merci, bonsoir. Et pourquoi cause de en ça, 2190, genre, des tapes, là, une tape est revenue à la mode? C'est là, ça, hein. C'est cœur, hein. Il aurait pu mettre des clés USB, je sais pas, mais en 91, il n'y en avait pas. Mais sinon, c'est ça, il faut revenir souvent, fait qu'il faut backtracker, parce qu'il y a certains, par exemple, on va se promener, il va falloir descendre d'une échelle, on va tomber dans un souterrain quelconque, il faut aller chercher le tape-là, aller rencontrer le gars, notre contact, puis après ça, il faut retourner par en arrière, puis aller d'une autre direction pour se rendre au boss final du tableau, finalement. Fait que quand on a atteint tous ces objectifs-là, qu'on a les 6 tapes, là, il y a le 7e stage qui va s'ouvrir, puis là, c'est le boss final. Mais c'est assez drôle, je sais pas si c'est à cause de l'époque, c'est en 91, ce jeu-là, il y a des Lénine, il y a des aliens, des fois il y a des larves métalliques, il y a beaucoup de robots vu que c'est futuriste, mais il y a des faces de Lénine. Ça c'était trop drôle. Il y a des boss, il y a des, par exemple c'est quand on va sur un mur, c'est comme un gros Lénine qui ouvre sa bouche puis qu'il lance des bulles. Oh shit. Ouais, puis le boss final, en fait, il y a des faces de Lénine un peu partout. Donc, c'est comme c'est ça, la guerre froide dans ce temps-là. La guerre était finie. C'est ça. Ouais. T'es fini, le mur était tombé, là. Il y avait plus rien. Fait que. C'est bol. Fait que c'est pas mal ça, mais sinon. C'est dommage. Mais toi, il faisait juste continuer de le niaiser. Parce que Nova, là, il lance un boomerang. Exact. Moi, je trouve que le boomerang n'a pas vraiment de portée, tu sais. So, c'est la seule affaire qui m'a souvent fait rusher. Tu sais, j'adore le jeu, mais ça, c'est comme... s'il pouvait aller plus loin. En fait, le jeu, il est assez facile à ce niveau-là. Je pourrais vous dire, au niveau du gameplay, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est vraiment tight. Je parlais de Shadowrun Megaman tantôt. C'est tight, tight, tight. Puis pour tuer les ennemis, en gros, quand on avance, c'est un boomerang, comme Bruno a dit. Ouais. Puis le boomerang, il y a beaucoup d'upgrades qu'on peut avoir à ce niveau-là. Ouais. Quand on pogne des étoiles, quand on tue un ennemi, il y a une étoile qui apparaît, mais ça, c'est pour justement la portée. Parce qu'il y a une gauge pour, si on veut, notre énergie qui diminue, mais l'autre gauge, elle augmente à mesure qu'on prend, qu'on attrape ces étoiles-là. Oui. C'est intéressant parce que la portée augmente. Mais ce qui, il n'y a pas juste ça comme upgrade qu'on peut avoir. On peut avoir jusqu'à 3 boomerangs. Fait que pour ça, c'est génial. Là, t'en lances, le clac, clac, clac. Tu peux en lancer 2 d'un bord puis un de l'autre. Ah, en arrière, s'il y a du monde qui arrive, ça arrivera jamais parce que le jeu est trop facile. Là, mais sinon, il y a un boomerang qui est rouge puis un bleu qui nous permet de lancer plus vite. Puis d'être plus puissant. Donc pour ça, c'est vraiment le fun. Il y a des grenades puis des vives qu'on peut avoir, mais honnêtement, le jeu il est les grenades, on n'a même pas besoin de ça. Mais non, c'est pas utile. Puis surtout quand tu l'utilises quand t'as un boss, ça fait quasiment pas de dommage, ça vaut pas la peine. C'est ça. Mais sinon, là, c'est tellement le fun. Là. C'est tête, tu lances ça là, comme si tu le lançais toi-même. Là. C'est malade. Là. On lance tout ça, des boomerangs. Ah, ben oui. Mais moi, quand je me suis. J'en ai lancé 3 en venant ici. En avant du bord de danseuse. Exact. Frapper 3 personnes. Mais moi, l'affaire que je me souviens avant de le vendre, ce jeu-là, ça m'avait fait chier les sauts dans le premier tableau. J'avais comme refait le premier tableau, puis là, j'essayais de sauter, puis j'étais comme « Colin, j'arrive pas à foutu corniche de l'autre bord, tu sais. » Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Mais ce qui est le fun, par exemple, c'est comme je disais, on revient au contrôle, c'est tellement tight que tu vas te mettre sur le dernier pixel, si on veut, de la plateforme pour sauter l'autre bord. Il va tenir. Là. Mais on le voit, là, on commence à approcher sur le bord, mais on a le contrôle de ça parce que le personnage glisse aucunement. Ouais, donc c'est difficile au début, mais un coup que tu comprends. Les orteils de fer. Exactement. Exact, oui, exact. Hein. Puis justement, parlant de fer, le power-up le plus le fun, c'est que dans le tableau, il y a un petit signe de robot qui est caché. Dans ce temps-là, on se transforme tout en métal. Yeah. Puis on peut lancer, au lieu d'être des boomerangs, c'est comme des. Ça ressemble à des Sonic Boom de guerre, mettons. Ils s'en vont direct, puis ils passent à travers toutes les plateformes. Fait qu'ils tuent les ennemis, même s'ils sont l'autre bord, mettons, un endroit qu'on peut pas atteindre encore. Sais-tu quel autre jeu puissant a ça? Shatterhand. Amagon. Ah, mais oui. C'est vrai. Il y a un peu moins de portée, Megagon. Ça te prend de la life, Megagon. Oui, ça te prend de la life, mais Megagon. Ah non, c'est vrai qu'un Megagon est une espèce de petit loser qui shoot, puis un moment donné, il devient gros. Comme ta partie robot, puis il tire, stick des Sonic Blade. En tout cas, c'était comme... Allez écouter notre épisode TV, vous allez tout comprendre. Vous allez voir notre émerveillement. Mais sinon, le respawning est une des raisons pourquoi que le jeu est facile. C'est que quand on trouve un ennemi qui paye, qui nous donne de quoi, autant des. Parce que c'est des hamburgers si on veut prendre d'énergie. Oui, c'est vrai. Fait qu'on laisse faire les pork chops, les poulets d'Amber, comme Castlevania, là, c'est des hamburgers. C'est satisfaisant. Mais quand il y en a un qui paye, là, on ressort de l'écran, on revient. Le respawning se fait tout seul, même à une coupe de frames. Là, t'as des burgers tout le temps. Exactement. Tu le boostes au complet quand t'es mort. Fait que c'est le truc. Hey, c'est ça, des burgers. Ben, combien de temps ça te prend à passer ce jeu-là? Parce que moi, j'avais commencé, j'ai fait le premier niveau. Tu sais, je me suis dit, il y a du défi qui s'en vient, je pense. Je pense que t'as joué beaucoup, beaucoup. J'ai joué la première fois. J'ai utilisé une coupe de continue. T'en as à l'infini. T'as 3 vies par continue, niveau, dans le fond. Ça m'a pris une heure. OK. Puis quand je l'ai refaite la dernière fois, là, ça a été tellement rapide. Là, ça se fait tout seul. Je suis mort peut-être deux fois, puis c'est des conneries. Sinon, il n'y a pas vraiment de raison. Es-tu humain, Nick Chalifou? Oh, je pense que oui. On va le découvrir. Ouais. Mais sinon, ça dans fait les, peur. Les. Mettons les plus et moins. Fucking tight, les contrôles, comme j'ai mentionné. La musique est tellement bonne. Wow, ouais, ceux ouais, qui ouais. veulent aller écouter ça, là, si vous avez le temps, là, Stage 2, là, c'est pas mal des. Est bonne à te mettre dedans, puis est tellement agréable. Là. Le bon petit son de la NES, là, oui. On l'a dans le tapis. On a la trame sonore à Rétro Nouveau, on la met souvent. Ouais, c'est vrai, podcast. Exactement. Mais oui, surtout le premier stage. Là. Oui. Puis sinon, que je pourrais dire, la durée, elle est intéressante parce que les jeux de NES, des fois, on aime ça le reprendre, ça vient souvent. On commence à jouer une game, on a le goût de le rejouer à ce jeu-là. Puis vu que ça dure juste une heure, mais tu vas pouvoir le faire pas mal n'importe quand. Tu as le goût de jouer une petite game. Tu le ressors de temps en temps, ça te tente de finir ce jeu-là. Là, ben là, ouais, tranquille, je vais finir Power Blade à soir. Et ouais, mais c'est ça que c'est une temps. Heure à Destiny, là, t'es rendu niveau 2. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un autre jeu de base là, puis, ouais, on chiale contre les jeux de 6 heures dans le next gen, fait qu'imagine une heure là. Ah, le rétro c'est pas pareil. Ouais, c'est pas mais sinon, ouais, continue, mais négatif, lapidé. Mais toi je vais négatif, c'est trop facile. Il y a ouais. un mode normal, on commence en normal puis expert, mais la seule différence c'est le temps. T'as énormément de temps, t'as comme 12 minutes pour faire un tableau ouais. normal. Expert, t'en as beaucoup moins. Fait que si tu cherches ton chemin parce que t'es pas trop habitué, tu meurs, c'est sûr. Okay. Mais y a rien de plus difficile. Fait que là-dessus, c'est un petit peu plate. La variété des ennemis et des nouveaux, ça, c'est un défaut. Les niveaux se ressemblent tous. C'est tout, on dirait que c'est toute la même ville. Ils pensionnent que c'est la ouais. Terre au début, mais non, c'est juste les villes, c'est une ville, tu te promènes. Des fois, on va aller dans les airs un peu. Le platforming va être différent d'un à l'autre. Mais généralement, on se reconnaît. Fait que ça, c'est décevant. Dans le futur, tout est pareil. Ouais. Ouais, exact. C'est les ordinateurs. Tout. Les ordinateurs font pas de l'or, eux autres. Ah oui. Ils font des affaires pareilles. Oh, Lien. En finale, je vais dire, si vous êtes pas capable de finir à une heure, il y a des systèmes de password, à peu près une dizaine de codes, des chiffres, ouais. des lettres. Ah, c'est vrai, Bruno. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis... Non, mais c'est pratique, ça, quand même. Là. Des fois, t'as pas le temps. Ben, j'ai essayé l'autre fois de faire le numéro 1-800 qui est à l'arrière du Nintendo Power, puis ça me répond plus. C'est un sex line, quelque chose de même. Puis, que je pourrais dire d'autre, il y a Power Blade 2 qui existe au NES. Ça vaut une fortune. C'est un des jeux les plus dispendieux, je dirais, quand même, de la NES dans la collection, les licenciés, si on veut. Là. Ouais. Ce jeu-là, j'ai vu des vidéos seulement parce que je ne l'ai pas. Il a l'air tellement le fun parce que là, le platforming est différent. Des fois, il y a des éléments comme des scies coupantes là, qui vont descendre ou qui vont monter, qui vont falloir se dépêcher d'un level à l'autre, puis on peut slider. Fait que des fois, par exemple, il y a un petit mur, il y a juste un espace dans le bas, on va pouvoir slider. Ah, slider, c'est un bel ajout, ça. Ça l'amène quelque chose de qu'est-ce plus. Qu'est-ce qu'ils attendaient de pas inventer le slidage d'un premier jeu? Tu sais, Mega Man, ouais. c'était au 3, avant ouais, que tu exact. Slides, Power Blade, tu slides dans le 2. Ouais. Comme, slide tout le temps, man. Ah, c'est de base, là. Mets un slide. Mais je pense j'ai été surpris qu'ils mettent pas ça dans Mario, moi, le sliding. Il y en a, avec en mode pingouin dans Mario. Ah, ben ouais, mais oui, c'est vrai, mode pingouin. Pas mal la seule instance de mode sliding en Mario, par contre. Mais Power Blade aussi, est pas, c'est pas si peu cher quand même. C'est 25-30. À peu près. Je dirais 20-25$ en ouais. moyenne. Mais ça vaut à peine. N'importe, peu ouais, importe si vous le trouvez. Je serais prêt à même payer 30-35$ si la copie est vraiment clean quand même. Là, c'est pour le côté collectionneur de la chose. Sinon, prenez ça. Pognez-le tout de suite si vous le trouvez pas trop cher. C'est tellement bon. C'est là. Dans la gang des bons jeux NES que tu payes un peu, mais que tu es satisfait parce que c'est un bel item de ta collection. Et oui. que un Taito. C'est plaisant. Et c'est Taito. On se trompe fait pas. On aime ça. Et voilà. Pour ton commentaire sur Lénine, il y a Renaud Dorval dans la chat qui nous dit que le jeu sortait en mars 91 et que l'URSS était encore là à ce moment-là. Pour vrai? Oh. Ouais, alors, leçon d'histoire ici de Renaud Dorval. Wow. Mais la guerre froide était finie, par exemple. Peut-être que l'URSS existait encore, mais c'était fini. Il fait juste parler de l'URSS. Après exactement. La pause, un segment sur Joueur Quartier. Bon, ça va en pause, justement. Ouais, hey, j'ai d'autres fun facts, si vous voulez. Oh. All right. Bruno, après la pause, de scraper nos vies tu vas nous parler de Hyrule Warrior tantôt? Oui. Dans une entrevue, Shigeru Miyamoto a révélé récemment qu'il est un gros fan de Disney puis que le look de Link dans Legend of Zelda était un peu son interprétation de Peter Pan. Ouais. Ah ben oui, c'est dans le fond. Puis ça expliquerait aussi pourquoi les Kokiri ne vieillissent pas. Les Kokiri. C'est quoi un Kokiri? Ben, c'est la race de Link, là, un peu. Okay. Les villageois. Comme ah, ça vieillit pas, ça, cette gang-là? Non, son temps. Comme au monde imaginaire. Exactement. Neverland. Wow. Il y a un autre truc. Dans Star Fox, je sais pas si vous avez déjà remarqué que les pilotes ont des genres de bottes grises en métal. Ouais. Oui. Ouais. En fait, c'est pas des bottes en métal. Tous les pilotes dans l'univers de Star Fox ont été amputés des jambes. Tabarouette! C'est horrible. J'ai vu ça dans la mythologie, puis c'est pour éviter que le sang ne soit drainé de leur cerveau lorsqu'ils sont soumis à d'intenses forces G. Alors, la prochaine fois que vous jouerez à Star Fox, pensez que les pilotes se sont fait couper les jambes pour pas se faire drainer leur sang. Ah, tantôt, on a tué tout le Mushroom Kingdom. Là, là on coupe toutes les jambes du clou de Star Alors, ce n'est pas si cute que ça, Nintendo, finalement. C'est hardcore, hein, c'est les plus hardcore, finalement. Je pense que c'est pour ça que Star Fox donne des tabarnouches de gros kicks dans Super Smash Bros. Tu viens d'expliquer quelque chose. Oh, c'est fort probable. Des années de douleur. Bon, ben, les boys, la toilette est là. On va tout aller vomir. On revient après la pause. On écoute la toune d'ouverture de Destiny. J'étais pas prêt pour tout. Ben, c'est à toi. C'est à mon tour. Je vais parler de ma toute dernière fixation. C'est un... Il y a quelques années... J'aime ça commencer mes critiques avec une petite histoire. Oui. Il y a quelques années, j'ai reçu en cadeau de Noël, de ma blonde, l'excellent tome 1001 jeux que vous devez jouer avant de mourir. Oui. C'est un, c'est une bible, ça dépaisse. Là, ça l'arrête au PlayStation 3, dans les débuts du PlayStation 3. Okay. Mais là-dedans, il y a... Moi, j'aime ça lire... tout là-dedans. Ça passe toutes les générations, tu sais, puis tu découvres des petits trésors. Et il y avait Kix. Oui. Connaissez-vous Kix? Oui. Moi, je connais bien Kix. Toi, tu connais bien Kix. Ouais, c'est vrai, on va en parler de ça plus tard. Mais Kix, ça a l'air de rien, OK? On va l'expliquer. Mais c'est un jeu qui est là-dedans parce que c'est un jeu unique. Son gameplay est unique. C'est une invention. Comme Tetris est une invention, Kix est une invention. C'est... t'as une genre de ligne qui se promène dans un écran, qui balaye l'écran un peu partout, tu sais. Puis toi, t'es un petit bidule qui avance et qui trace des formes. Puis quand tu réussis à compléter ta forme, à la fermer, ben là, ça devient une forme opaque. Puis la ligne, elle peut pas passer au travers de cette forme-là. Fait que ton but, c'est de remplir l'écran le plus possible de formes sans que la ligne te touche pendant que tu fabriques tes formes. Parce que si c'est le cas, ben, t'exploses puis tu perds une vie. Puis aussi, se promènent autour de l'écran des petites sparks, là, des petites boules. Puis eux autres, ils se promènent autour de tes formes. Fait qu'il faut pas qu'ils touchent eux autres non plus. Fait que c'est comme hyper basic, là, tu sais. Moi, j'ai joué sur l'arcade, sur MAME ici, dans mon local. Ouais. Puis j'ai joué sur Game Boy. Je l'ai complet sur Game Boy. J'ai acheté ça même avant. Très bonne la version Game Boy. Oui, j'ai joué même avant qu'on aille la même ici. Puis j'avais acheté ça parce que j'aime ça un jeu de Game Boy complet. Je trouve ça beau, une petite boîte carrée. Super beau. Ça coûtait pas cher, 10$ complet. Fait que j'ai acheté ça sans même savoir ce que c'était. Puis, mais c'est vraiment à l'arcade, là, j'ai commencé à accrocher là-dessus bien raide. C'est super addictif. Ouais. Puis, t'as deux vitesses pour lesquelles tu peux construire tes formes. T'as une vitesse rapide, mais tes formes sont moins payantes. Puis l'autre, c'est la vitesse lente. Puis si tu réussis à former des formes avec ça, ben les formes, ils payent plus. Puis il faut que tu remplisses genre 75% de l'espace sans que la ligne te touche. Puis si tu réussis ça, ben tu passes au prochain niveau. Tu peux faire plus aussi. Le but, c'est ça que j'ai découvert en jouant, c'est que faut pas que tu essayes de remplir de l'espace, faut que tu essayes d'emprisonner la ligne. faut que tu la ramasses dans un coin, puis tu fais des petites formes, tu la, tu sais, comme petite forme, puis là, ouais, elle bounce, puis elle peut pas. Puis tu la ramasses dans un coin, puis tu laisses juste un petit trou de rien dans lequel elle pourra pas passer. Puis là, tu fermes ça avec un slow. Puis là, ça va tout remplir ton écran de la forme payante, là, finalement. Je sais bien abstrait de vous l'expliquer de même. Vous irez voir, là, c'est super abstrait. Mais c'est faut que tu vois des images de Kix, des... en fait. Là. Exact, vous allez comprendre en le voyant. Ça, c'est un grand classique. C'est ça, il l'a aussi au NES. Il doit avoir ça sur toutes les consoles. Il l'avait même au Video Way dans le temps. Oui, il y a beaucoup de monde. Appuyez sur F4, tout le monde. Tout le monde qui vient ici jouer sa machine, ils disent tout « Ah, c'est le jeu du Video Way, ça! » C'est vraiment un classique pour ça. Je dois dire aussi que la version Game Boy est pas mal plus facile que la version arcade. Là, arcade, ça balaye l'écran. Mais oui, il faut que ça paye. T'sais. Ben, c'est ça. Tu meurs. Faut que tu meurs tout le temps, tu sais. Fait que c'est ça. Au Game Boy, je réussis vraiment à enfermer la forme, là, puis à finir un niveau à 99%. La ligne est coincée dans un carré. À l'arcade, je suis impossible, pas capable de faire ça, là, tu sais. Mais j'ai beaucoup aimé les deux versions. Il y en a une qui challenge un peu plus que l'autre. Il l'a au NES. Ça donne tellement l'impression que c'est un jeu de Vectrex quand tu le regardes. Ah, ça pourrait, sérieux. Ça pourrait être un super beau jeu de Vectrex. Ça serait parfait pour le Vectrex. Ça serait super beau. C'est juste des lignes. C'est pas parce compliqué. Que moi, je me souviens, quand j'ai joué à ça à Wells, dans le Maine, j'ai joué à ça quand j'étais jeune, puis c'était dans les espèces de machines que tout était noir, puis t'avais juste comme les lignes blanches vraiment super brillantes d'en face. T'avais l'impression que c'était en 3D. Exact. Dans le sens, t'avais l'impression que ça flottait dans les airs. Puis c'était vraiment une bonne machine. Puis moi, c'est celle-là que j'ai joué, il y avait une roulette. Ah oui? Puis tu pouvais jouer avec une roulette. Puis ça fonctionnait quand même assez bien. Assez weird. Tu sais, comment, je sais pas comment tu faisais les deux vitesses avec la roulette. Là. Ben, c'est qu'en fait, t'avais un bouton à côté. Fait qu'à la place d'avoir un joystick, il y avait une roulette. Puis t'avais un bouton à côté pour ta vitesse. Nice. Les roulettes étaient pas mal populaires. C'est clair. Ben moi je te dis là, je suis tellement accro à ça là, je joue rien qu'à ça ici là, tu sais, dans les soirées là. Puis il y a aussi un bassline dans le jeu là, c'est comme hypnotique là, c'est lourd là, pèse là-dedans, mais c'est machine, tu sais, c'est vraiment le fun. C'est dark en fait. C'est dark au bout, tu sais, comme ça. C'est vraiment cool. Puis pis moi, c'est ça qui est né mon amour pour un autre grand jeu. Ben, Girls Panic, dans le fond, qui est la même affaire, sauf qu'en background, t'as une fille tout nue. Ouais, une fille tout nue. Hey, tu gars! Une fille tout nue! Pis ce qu'il faut que tu fasses, dans le fond, c'est qu'il faut que tu complètes des formes de même. Pis là, ça débloque des parties de l'image de la fille tout nue en arrière. Exact. Sauf que dans cette variation-là, t'as une grosse, mettons, une grosse araignée, tu sais, au lieu que ça soit une ligne qui se promène. Ouais, pis là, je comprends pas trop, tu peux aussi plein d'icônes. Ouais, ben ça c'est pas dans Girls Panic. C'est fantastique. Il y a eu Girls Panic, mais ouais. Exact. Pourquoi je connais ça, je sais pas. Ben, il y avait ça, ben, parce que c'est des amis d'enfance, ces deux-là. Mais ouais, Fantasy 95. Exact. Fantasy 95 est la version la plus louche de Girls Panic, en fait, où tu pouvais choisir comme personnage Yasser Arafat ou Robocop ou Terminator. Mais ça donnait rien, c'était juste un icône. En fait, ça donnait rien, c'était juste un icône en haut pour ton personnage. Puis quand tu faisais les photos des filles, parce que Girls Panic, ça a tout le temps été des petites japonaises. Puis là, à Fantasy 95, des grosses américaines. Dès ça, t'avais à peu près tous les genres, puis c'était des photos, en fait. Ouais. Fait que là, t'avais un candy de plus, sauf que les Snorro, en fait, quand t'étais pas très bon, ils changeaient la photo pour une photo d'horreur. Ah ouais, fait c'est que genre, ça. T'as c'est comme une face dans Body Snatcher, ouais, Hellraiser. C'est des photos d'horreur à la place pour te punir. Mais ça a tellement de l'air bootleg, cette affaire-là. Ah, ça a pas de l'air authentique. Ça n'a pas un jeu officiel. Là, ça, c'est... Non, c'est ça. C'est pas officiel. Ça s'est retrouvé dans plusieurs bars, en fait. Exact. Moi, j'avais checké sur la Wikipédia quand on jouait à ça tard. Et puis, c'est un jeu qui n'est pas officiel, pas en tout. Qui c'est qui a inventé ça, Kix? GF, t'as-tu ça? Taito. C'est un jeu de Taito. Ouais. Exactement. D'ailleurs, la pub... Ah, c'est vrai, ça le dit dans le jeu de Game Boy au début. License only for Nintendo by Taito. Ils disent ça. Fait que dans le fond, la version NES aussi, Taito. Ça doit être, dans le fond, pas disponible sur rien d'autre. Dans ce Game Boy Color, il y a une version qui s'appelle Kix Adventure. OK. Wow. Sinon, c'est souvent les arcades, selon ouais, ce que je peux voir. Commodore 64, DOS, Amiga aussi. Ouais, il faut ce poster-là, man, puis ta boutique. Get your kicks from Taito. Ah ouais, c'est vraiment ça. Beau. Mais ouais, la version NES, en fait, elle s'est ramassée souvent sur les cassettes 32 jeux, 52 jeux. Ah ouais, oh, je l'ai jamais vu là-dessus. Ouais, moi, je l'ai déjà vu là-dessus. Oui, c'est ça, parce que vu que c'est un tout petit jeu, ça fitait. Là, ouais, fait exact, certaines c'est ça, versions, ça va bien là-dedans. Moi, j'avais joué, je me rappelle, là-dessus. Et c'est ouais, un ouais, jeu ça, complet en boîte. Ouais. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est qu'il y a écrit Taito, ça en boîte, mon nom. Oui, Taito. Ça me semble, je m'en serais souvenu. Ah, Taito comme ça. Ben ouais, oui, c'est ça, c'est Taito assez différent comme look de boîte, en effet. Puis, ça part-tu de Gaz Panic, hein, sa page wiki, disant c'est quoi cet enfant pas légitime, là? Clone of Kicks inclus dans le jeu MS-DOS de 1983. Gaz Panic, ouais, ben ils disent que c'est un dérivé Gaz Panic de Kicks en fait. Là. Ouais. Mais, en fait, je proposerais quelque chose au monde. Si t'as pas d'imagination puis t'as pas d'internet, viens à la prochaine soirée Papa Cassette puis regarde Bruno déshabiller des petites femmes puis tu vas voir. Exact, il y a même son score sur le board ici en arrière. Ouais, j'ai mon score à Fantasy Bruno, 95 qui est à battre. 37 500. Dans le jeu Bully de PS2, il y a un minigame de Kicks apparemment. Ah oui? Oh. Dans le Art Class, c'est ça qu'ils disent ici dans le Wikipédia. C'est cool ça. C'est magnifique. Il y a également une référence à Kicks dans Wreck-It Ralph. Ah ouais. Ah sûrement, hein? Ah ouais, ils disent quand ils regardent par la fenêtre, ils voient Kicks apparemment à travers la fenêtre. Ils voient une ligne qui se promène. Je sais pas, faudrait. J'ai pas trouvé d'image, mais c'est ce qu'ils disent là. Ok, ok. Donc à voir. En tout cas, c'est moi je vous le dis, c'est comme spécial. Je savais que ça existait, j'avais jamais essayé ça. Puis c'est un jeu très addictif comme Tetris peut l'être là. C'est, c'était fuck, je veux jouer maintenant. Là, c'est tellement simple, mais tellement. C'est simple, tellement mais c'est un fun, bon concept. Totalement. C'est super bien pensé. C'est souvent les meilleurs jeux. Fait qu'on on va garder le live et on va aller jouer aux arcades. C'est ça. Fait que c'est tout en ce qui me concerne. All right. Fait qu'on va closer ça avec Hyrule Warriors. Oui. Moi, je vais closer ça avec Hyrule Warriors. J'ai pas scrappé ton punch. JF l'a dit. Pas en tout. Non, c'est correct. Non, c'est ça. Je vais parler de Hyrule Warriors qui est en fait un exclusif à la Wii U. Puis ce qu'on a essayé de faire, c'est de mélanger l'univers de Zelda avec l'univers de Dynasty Warriors. Ouais. Dynasty Warriors, on dit souvent que c'est un Musou Fighter. Je sais pas c'est quoi la traduction de Musou, mais en fait, ce que c'est Dynasty Warriors, c'est comme des grandes batailles qu'il y a sur les... Il y a des grands champs de bataille, puis toi, tu frappes les ennemis à coups de centaines, puis t'en détruis là, sans cesse. C'est pas du 1 contre 1, c'est du 1 contre 50. Ben, c'est ça, je tiens à mentionner que Dynasty Warriors 1 au PlayStation 1, c'était un jeu de combat que j'avais grandement apprécié. Ah, c'est puis vrai, après ça, c'est ils parti sur une cheer. Ils ont amené ça là, à l'autre bout de la terre. Là. C'est vrai que c'est différent. C'est, ouais, mais c'était bon, par exemple. C'est vrai, un jeu de PlayStation 1 qui me manquerait, ça. Quand même. Ouais. Mais c'est ça. Direct en partant, on peut s'apercevoir quand on regarde les images du jeu que c'est pas Nintendo qui a fait ça. C'est vraiment la compagnie qui fait Dynasty Warrior qui a travaillé sur le jeu. Entre autres, Team Ninja fait partie de ça. OK. C'est Koei. Puis c'est ça. Là-dedans, en fait, le Triforce est dispersé un peu partout. Puis il y a une menace ennemie qui arrive à Hyrule. Puis Link, au départ, est un espèce de petit combattant, un petit dude qui se bat à l'intérieur d'un château puis qui n'a pas fait ses preuves encore puis qui finit par sortir de là parce qu'on dit qu'on a besoin de lui en tant que héros. C'est l'élu, fait qu'il faut qu'il porte le saut d'élu, c'est-à-dire le saut de Peter Pan, comme l'a dit GF tantôt. Exact. Fait que c'est ça. Fait que tu sors de là. Puis déjà, dès le départ, tu t'aperçois que ce jeu-là, c'est du button smashing. C'est vraiment, là, t'as deux attaques. T'as une attaque quand même assez simple, puis t'as une autre attaque qui envoie les gens super loin, comme une attaque finish. T'as aussi des objets que tu vas ramasser un peu partout, des espèces d'items. Fait que tu vas avoir ton fameux grappin. Tu vas avoir l'arc, les bombes. Fait que c'est le fun parce que c'est vraiment l'univers de Zelda là-dedans. Ouais, la flûte, je ne l'ai pas vue encore. Mais, tu sais, la flûte en face du gars. Toc, toc, toc, toc. Mais non, c'est ça. Puis ce que ça fait au départ, c'est que c'est merveilleux ce jeu-là parce que tu fais ce que tu as toujours voulu faire avec l'univers de Zelda, puis c'est être un badass puis scraper le monde sans arrêt. Là. Ouais, ouais, ouais. Puis ce qui est le fun, c'est que tous ces personnages-là qui se retrouvent là, c'est les personnages de Zelda, puis ils se retrouvent un à la suite de l'autre dans l'histoire. L'histoire, j'avoue que c'est un peu du n'importe quoi parce qu'ils ont voulu rapiécer tous les personnages. Parce que là-dedans, là, je regarde mes affaires, mais tu sais, tu peux jouer entre autres avec Link, Zelda, Impa, Lana, Shake, Midna, Ganon, Jiraim. Tu peux jouer avec beaucoup de personnages de la licence. Ça doit être assez cool de jouer avec Midna, c'est très cool. Ah, elle a comme une espèce de move sur sa tête. Elle a comme une genre de grosse main, puis elle a réussi à smasher le monde avec ça. Fait que c'est vraiment le fun. Puis c'est ce qu'il y a de plus intéressant, je trouve, dans le jeu, c'est que tous les personnages ont leurs combos différents. Okay. Puis tu peux améliorer ton personnage sans arrêt. Tu ramasses de l'argent, puis entre les niveaux, tu vas pouvoir le mettre à niveau puis l'améliorer. Tu peux-tu changer de personnage en cours de quête, en fait? Ou... Non, c'est qu'en fait, au début, dans ta quête, c'est comme le mode légende qu'on appelle. Quand tu pars ta game, c'est vraiment l'histoire puis tout ça. Puis on va te donner des choix de personnages que tu peux utiliser pendant le niveau. Mais on va aussi te suggérer un personnage. Fait qu'il va avoir comme un espèce de petit thumbs up à côté du personnage. Comme mettons, tu sais, t'as Link, Midna, puis je sais pas trop, moi, un autre personnage, Zelda. Ben, ils vont dire « Ah, Link, ça serait mieux pour ça parce que t'es mieux avec un personnage que ses habiletés. » C'est comme Super Mario Bros. 2, dans le fond. Là, tu prends la princesse versus Toad. Exact. Non, c'est bon. Ça. Puis ils ont tout le temps... Les personnages ont souvent deux armes différentes que tu peux sélectionner par la suite. Fait qu'à mettons, Link, il a une épée, mais il peut avoir aussi un grand bâton, il me semble. Fait qu'il y a beaucoup de profondeur dans le jeu, mais c'est une profondeur que... j'ai l'impression que 90% des gens verront jamais. Parce que tu peux juste décider d'avancer, de smasher, tu mourras probablement jamais, puis ça changera rien. Mais t'as plus de fun si tu décides d'y mettre du tien, puis de bien faire tes combos, puis de découvrir les combos, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, malgré le fait que c'est juste deux boutons. Il y a beaucoup de combinaisons de combos, ce qui fait que c'est encore plus intéressant d'y jouer. Une affaire qui est difficile, c'est que là-dedans, ce que tu fais, c'est drôle, parce que j'ai même pas expliqué encore ce que tu fais, c'est que t'es dans une t'es dans une cuisine, tu fais des gâteaux. C'est ça, that's it. Fin. Maman Rit. Non, Hyrule Warrior. Tu pitches des poules. Mais c'est le fun, ils l'ont mis, les fameuses poules, ils se retrouvent dans le jeu, ça c'est quand même le fun. Fait qu'il y a plein de clins d'œil comme ça, mais en fait, t'es comme dans une espèce de grosse carte qui donne l'impression d'être une carte multijoueur. Puis là-dedans, tu as des bases. Tu vois toutes les bases ennemies. Puis il faut que tu aies possédé ces bases-là. Il faut que tu aies capturé ces bases-là. Fait que dans le fond, il y a le clan bleu, il y a le clan rouge. Toi, tu es le clan bleu. Tu vas chercher le clan rouge pour pouvoir avoir ces bases-là. L'affaire, c'est que les personnages vont te parler tout au long de ton niveau. Mais pendant que tu es au milieu d'une bataille, que tu en as 100 autour de toi, puis tu essaies de les smasher, puis tu essaies de comprendre ce qui se passe, eux autres en dessous, c'est comme « Hey, j'ai besoin d'aide ». Là, tu comprends pas. Tu n'as aucune indication sur ta map qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. À part, genre, il y a comme des trucs qui clignotent, mais des fois, il y a trois trucs qui clignotent en même temps, puis tu sais pas c'est quoi ta priorité. Fait que le temps que tu te rendes à l'autre bout de la map pour aller aider cette personne-là, il est trop tard. Parce que là, fallait que tu réussisses à te sortir de ce pétrin-là avant d'y aller. Fait que ça, c'est pas clair. Puis moi, c'est plus ça. C'est plus une faille dans le jeu qui a fait que... C'est un défaut de design, littéralement. Puis c'est ça qui a fait que je suis mort. Parce que Mais tu meurs quand tu réussis pas à aller aider l'autre que ça. Exact. Puis là, tu recommences. Tu recommences ça, à ton dernier checkpoint. Du niveau, dans le fond. C'est ça. S'assurer que tout le monde n'est pas dans le rouge puis que tout va bien dans la grosse bataille. Exact. Okay. Parce que tu as une grosse bataille puis tu as, mettons, tes commandants qui sont là dans ton armée puis c'est comme, hey, on est un peu dans la merde, viens nous aider. Puis là, tu t'en vas là. Puis là, toi, tu es en train de capturer une autre base. Mais là, finalement, ton autre base, tu n'as pas réussi à la capturer parce que l'autre, il est là puis il te demande. Fait que là, les autres sont venus capturer ta base pendant que tu essayais de la capturer. Puis là, va et vient de même. Puis là, ça finit plus. Fait que ça, j'ai trouvé ça assez frustrant. Il y a un tableau, à un moment donné, je suis sûr que les gens qui ont joué vont le savoir. Là. Il y a un éboulement. Il y a des roches, des grosses roches qui tombent sur ta base. Puis là, les grosses roches tombent tout le long du niveau sur ta base. Fait qu'il faut tout le temps que tu la sauves, mais là, en même temps, ils te demandent d'aller ailleurs dans la montagne. Fait que là, tu vas ailleurs dans la montagne. Pendant que tu vas ailleurs dans la montagne, les roches continuent à tomber en malade. Fait que là, toi, tu essaies de tout faire ça en même temps, puis ça devient, tu sais, comme... calique, j'en ai assez, moi, dans ma vie, là, d'aller porter mes enfants à la garderie, d'aller à la job, ce serait trop nouveau aussi, ça. Fait que, tu sais, il y a trop fait de management. Fait que ballonné pour souper. Calique. Détruire des roches à ton campement, finalement. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que ça devient un peu frustrant, puis il y a des niveaux où c'est mieux fait, c'est mieux intégré, puis ça fonctionne mieux. Fait que tu finis par passer un peu par-dessus ça. Mais c'est ça, tu sais, il y a j'ai trouvé que le jeu est bon, le jeu est le fun, mais il faut que tu ailles chercher ton fun. Puis les personnages sont super bien faits, c'est vraiment des très très beaux modèles, mais les niveaux comme tels, c'est pas très beau. C'est vraiment, moi je trouve que c'est pas du calibre de la Wii U. Quand tu regardes même ce qui a été fait avec Pikmin a des plus beaux niveaux que Hyrule Warriors. Puis c'est ça, c'est ce jeu-là, en fait, c'est que tu fais tout le temps la même affaire sans arrêt. C'est le fun parce que tu découvres tes personnages. Puis aussi, c'est ça, il y a une autre affaire, un autre point faible, c'est qu'il y a des boss dans le jeu, puis c'est des boss qui viennent de l'univers de Zelda. Mais ces boss-là, en fait, c'est là, le côté Zelda, c'est qu'à mettons, il y en a un, ben là, tu viens d'attraper les bombes. Fait que là, il ouvre la bouche, tu y pitches des bombes dans la bouche, puis là, finalement... Classique. Tu smashes comme un malade. C'est ouais. plus ça, là. Les bombes servent à rien. C'est juste comme l'affaire pour débarrer le fait que tu peux faire du button smashing dessus. OK. Fait que on dit button mashing. Hein, button mashing, oui. Depuis tantôt que tu dis ça, on dirait que ça me gratte. Mais c'est ça. Bref, tu pèses tes pitons comme un malade puis tu réussis à le battre. Fait que c'est un jeu qui est vraiment, vraiment pas difficile. Là. C'est vraiment ah ouais, pas, okay. c'est pas compliqué. Ce qui est difficile, en fait, c'est les failles d'un tableau, comme je t'ai dit, que tu sais pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses exactement. Ouais. Ça devient frustrant. Faut que tu pèses sur pause, que tu checkes dans tes affaires. Ah, OK, telle base, c'est telle base. Telle affaire, c'est telle affaire. Lui, il est là. Lui, il est là. Puis que tu regardes tes trucs comme il faut. Puis qu'après ça, tu partes pour le faire. Ça devient un peu compliqué. Il y a un mode que Nintendo avait annoncé que j'avais bien hâte. C'était le mode... C'est comme une espèce de mode classique où tu vois une map de haut avec The Legend of Zelda, le premier. Ouais, puis ouais. tu vois vraiment ta map de même. Puis là, je me disais, hey, ça va être cool, ça va être quoi? Fait que là, finalement, ce que c'est que t'as Link qui est là. Puis là, il avance d'une case. Puis là, il avance d'une case. Puis là, il est devant deux espèces de bébites rouges. Puis là, c'est comme, ah, vous avez un défi à passer avant de réussir à passer à l'autre case. Fait que là, finalement, au moment où tu décides de faire cette case-là, tu t'en retournes dans le jeu Hyrule Warriors, le vrai, en 3D puis tout, puis ça te dit, ben, tue 30 ennemis. Là, tu tues 30 ennemis, puis là, tu reviens sur cette map-là. Fait que le seul côté classique de ça, c'est le fait qu'il y a une map, c'est de la cosmétique. Ouais, c'est ça. Puis il y a aussi le fait que tu peux pogner, à un moment donné, tu peux pogner une épée 8 bits aussi dans le jeu. Fait que ça, c'est okay. cool. Tu sais, il y a des beaux clins d'œil, il y a plein d'amour de la franchise là-dedans, mais j'ai trouvé que l'histoire était pas bonne. Puis j'ai trouvé que c'était un peu trop facile, un peu trop redondant. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment fait pour les gens qui vont se donner puis qui vont donner du temps dans le jeu puis qui vont vouloir faire le combo comme du monde puis débarrer tout, qui vont avoir du fun avec. Mais si t'es juste là pour jouer à un Zelda comme tu joues d'habitude ou que t'aimes Dynasty Warriors, ouais, donc, c'est comme pas assez. Parce que c'est... Ben, ça peut tout faire en pitonnant. C'est ça, exact. T'sais. Sauf que la force qu'il y a par rapport à un Dynasty Warriors, c'est que lui, au moins, il y a un âme. T'sais. Hyrule Warriors, quand tu vas... Ça me sonne vide, mettons. Il me semble, depuis tantôt que t'en parles. Là, on dirait que c'est... C'est que Dynasty Warriors est un jeu que, je veux dire, tous les commandants, tous les personnages qu'il y a dans le jeu, ils se ressemblent pas mal toutes, puis tu t'en sacs, puis on les mettra pas dans Smash, là. Mais dans Hyrule, tu sais, tu veux jouer avec... La première fois que tu joues avec Ganon dans Hyrule, là, ouais. c'est malade, là. C'est écœurant parce qu'il est badass, il est huge, puis tu peux jouer avec Ganon. Détruit, tu peux jouer avec Ganon. Je l'avais pas mentionné au début. Là, non, c'est ça, tu peux jouer avec Ganon. Spoiler alert, mais c'est malade. Non, c'est ça, tu peux jouer avec Ganon. Tu peux jouer avec Jiraim aussi, qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui fait partie de Skyward Sword. En fait, les niveaux sont tout le temps basés sur Ocarina of Time, Twilight Princess, puis Skyward Sword. Okay. Fait que c'est le fun quand même les pour trois ça. Jeux que j'aime pas, finalement. On va se parler tantôt. Là. Ça va faire. Fait que c'est ça, moi sérieusement, je le conseille à tout le monde qui a une Wii U, mais moi je dirais aux gens quand même, tu sais, faut s'investir dans ce jeu-là pour y trouver vraiment une bonne expérience, parce que si tu y vas pas avec des beaux combos, que tu pousses pas tes personnages à fond, tu vas trouver que c'est juste un button smasher, comme je dis tantôt. Masher. Tu vas trouver que c'est juste du pesage de piton, puis que tu as payé 80$ pour ça, puis que c'était, ça valait peut-être pas 80$. 80$, t'sais. Ouais, c'est ça. Ouais, ça revient cher. C'est cher en salle. Hein? C'est cher. C'est plus cher que Power Blade de tout à l'heure. Là, ouais, c'est proche de Power Blade 2. Là, si, c'est un passé si bien. Ouais, c'est un passé si bien. Fait que c'est ça, écoute. C'est pas mal ça. Répétitif, mais addictif. Bon, ben, coudon. Fait que c'est ce qui conclut l'épisode de ce soir. Yes! On espère que vous avez apprécié, tout le monde, cette nouvelle formule. Oui, monsieur. Oui, c'est ça, c'est clair. On aimait ça. Je pense qu'on pourrait aussi vous demander, les gars, de dire vos Twitter, Facebook, tout ça, si jamais on veut vous suivre. Oui, oui. Fait que sur Twitter, moi, c'est Robot Deluxe. Oui. En un mot. Robot pas de thé. C'est vrai. Robot Deluxe pas de thé. Ouais, exact. Excellent. Moi, c'est @NTR37, minuscule et collé. That's it. Ça change quoi si on met des majuscules minuscules sur Twitter? Pas sur non. Twitter, ouais. Il ouais. me semble que oui. Pas sûr, pas à vérifier, sûr. À vérifier. Pas sûr de ça. Tu me vois perplexe. Fait que c'est ça. Puis dans deux semaines, quand on va tourner TV numéro 7, les boys vont être là. Fait exact. On va voir nos faces. On garde la même formule. Là. Ouais, on garde la même formule. Peut-être rajouter des. On va peut-être rajouter quelques petits trucs quand même. Des nouvelles chroniques, ouais. Oui. Des chroniques électriques. Moi, j'ai hâte de finir ça pour aller jouer à Shadow of Mordor. Je me suis acheté ça, Colin. J'ai même pas pu jouer encore. Tu t'es fait teaser de la journée sur Twitter. Oui, tout le monde m'a écœuré. Ultra rapide. Ouais. Malade. Ah, j'ai très très hâte de jouer à ça. Toi, à quoi tu vas jouer, Nick? Je pense que je vais retourner jouer au démo de Nature en attendant de l'acheter. Ouais, achète ça. Ouais, il va falloir que je l'achète. Ça a l'air qu'il est décevant. Il est décevant. C'est pour ça que je vais pas l'acheter tout de suite parce que je me dis. Ils ont donné la moitié d'un jeu. Juste pour le principe de la chose d'insulter les gamers qui ont payé quand même, c'est 70$ le jeu. Là. Ouais. Juste pour ce principe-là, je me dis, je suis pas certain, mais en même temps, moi, je suis un joueur classique de NHL. C'est moi, je fais le mode simple ou sinon GM, that's it, j'ai du fun. Fait que là, si je me fais pousser par un gars, mettons, qui de la soirée du podcast, là, je vais peut-être finir par l'acheter. Je veux pas nommer de nom. Là. C'est un informateur quelconque. Bon. Là. On a un informateur secret qui veut nous en parler. Moi, je joue beaucoup, puis j'aime bien ça. La voix d'outre-tombe. Ouais. Je pense que c'est le même gars qui fait Vanquish, je suis pas sûr. Eh ouais, ça ressemble. Cool. Moi, je vais retourner jouer à Rogue Legacy parce que, sérieux, depuis que t'en as parlé, sur le podcast, je l'ai acheté. Ouais. Puis, man, je suis complètement accro à ce malade de jeu-là. C'est malade. Je fais rien que ça, là. Là, t'as pas plus qu'à ça, Metroidvania que ça, là, tu sais. C'est comme si tu refaisais tout le temps un niveau de Castlevania Symphony of the Night. Fait que là, je grind, je ramasse de l'argent, là, je m'en viens pas pire, là, tu sais, mais c'est malade. Sur Vita, c'est parfait, là, ça dort, j'ouvre ma Vita, je commence, je capote Beret là-dessus. Ah, tu recommences puis, le temps de game. Je vais jouer à Kix sur mon heure de dîner, essayer de battre le record. Et c'est bon. Ouais, mais tu peux pas battre le record s'il y a pas d'autre monde. C'est triché, c'est triché. Ah, j'ai pas le choix, il faut que je me pratique quand il y a d'autres monde. Quand il y a pas d'autre monde. Nicolas, façon, tu vas jouer à quoi, toi? Ouais, pour ma part, je vais retourner grinder Destiny pour essayer d'avoir du lot. C'est intéressant, tu sais. Puis j'attends ma copie de Hyrule Warrior pour essayer de jouer un petit peu à ça. Fait que ça va se partager entre les deux. Cool! Excellent! Super! Yes! Bon, ben, merci tout le monde d'avoir été là. Puis on se reparle très bientôt. Bonne soirée! Ciao! À bientôt! Bye! Retro Nouveau.